D'épais nuages recouvrent la lune et les étoiles. La pluie s'écoule au travers des épais feuillages, puis la silhouette d'un homme apparaît au milieu des arbres. Il court depuis maintenant plus d'une heure, abandonnant son campement et son feu au déluge qui s'abat. Son teint est pâle, son visage empreint de terreur. Il est persuadé que quelque chose l'épie depuis la colline. Le flux qui coule est de plus en plus important. Il est incapable de voir à plus de 2 mètres devant lui. Sa progression devient difficile. L'homme vire à gauche avant de se prendre les pieds dans une racine. Sa tête plonge dans la boue. En relevant le haut de sa capuche, le genou encore dans l'eau, il se met à pousser un hurlement de terreur lorsqu'un éclair frappe un arbre juste devant lui. Ce n'est pas de l'orage dont il a peur, mais de l'immense silhouette que ce dernier vient de faire apparaître en plein milieu de l'obscurité. Elle est là, à l'attendre, le fixant calmement. L'éclair s'estompe. Dans moins d'une seconde, la forêt sera de nouveau plongée dans le noir. Le soleil réchauffe le sol pour la première fois depuis des années. L'été chasse le froid de la toundra, le sol dégèle et fleurit en des explosions de bleu, de rouge et de turquoise. Les habitants sortent de leurs cabanes, s'étirent sous le soleil et se débarrassent de leurs fourrures. Le pays tout entier reprend vie. Une nouvelle année démarre aussi pour les pathogènes. La chaleur sort des bactéries de leur hibernation, les cloaques propagent de nouveau la dysenterie, le choléra et le typhus dans les villages. Les œufs de poux et de tiques éclosent, et les humains, pris en embuscade, colporte, spirochète, virus hépatique et Yersinia pestis. Tout un véritable arsenal de mort. Depuis longtemps, l'hospitalier assure la désinfectation des fosses septiques et des plans d'eau, ainsi que la vaccination des habitants de Justicienne. Pourtant, ils ne parviennent toujours pas à éradiquer complètement les épidémies. Comme tous les ans, une vague de malades submerge les zones urbaines. Les malades envahissent l'hôpital, ils s'accumulent dans le cercle extérieur. Une foule immense, vêtue de haillons, de tentes, des odeurs de vomi et la sepsie sont le quotidien du lieu. C'est une véritable ville qui s'organise autour du corps intérieur, dont l'accès est strictement réservé aux hospitaliers. Parmi les médecins se trouve la jeune recrue Torrey Cole. Les récents événements de Munuther font de lui un familancier très apprécié des préservistes. Il a d'ailleurs rendez-vous avec l'une d'entre elles, Sœur Clara Bennett. Sœur Clara Bennett est un véritable démon. Elle dirigeait l'escadron qui a rasé Munuther. Mais derrière son masque à gaz se trouve une personne étonnamment humaine, qui vaut en Torric un potentiel encore inexploité pour l'hôpital. Torric, tu te trouves actuellement derrière les sas de décontamination. Lorsque tu ne t'occupes pas de tes patients, tu passes le plus clair de ton temps dans la bibliothèque privée d'hospitaliers. Il est désormais temps pour toi de te rendre dans l'aile ouest. Tu passes devant l'arsenal et tu prends un escalier pour te rendre dans un couloir, menant au bureau de la chef commando. Mais devant l'encadrure de la porte B57, ce n'est pas la silhouette d'une femme que tu remarques. Celle que tu remarques t'es beaucoup plus familière. Tu reconnaîtrais entre mille le sourire en coin de ton supérieur direct, un regard de vainqueur, comme s'il allait mettre au point un plan machiavélique pour enfin se débarrasser de toi. Tu avais pris soin de l'éviter jusque-là. Sa présence ici ne peut pas être une coïncidence. Que fais-tu? En même temps, enfin, ça sert à rien que je l'évite, hein, donc je m'avance comme si, pas pour le saluer tout simplement, donc je le salue. Très bien. Tu t'avances et tu commences à le saluer. Clairement, il te fixe. Toujours son sourire en coin. Et il te dit comment allez-vous, Toric? Bien, ma foi, et vous? Bien, bien. Je suis au regret de vous dire que votre rendez-vous est annulé. Ah, et pour quelle raison? Vous allez voir, suivez-moi. Bon, moi À ce moment-là, il je dépasse suis. Ouais. et puis il commence à emprunter le couloir que toi-même tu avais utilisé pour te rendre dans cette aile du hôpital. Tu le suis pendant quasiment 10 minutes. Vous allez déambuler dans les couloirs avec une marche assez rapide pour au final vous rendre à l'extérieur. À l'extérieur, vous allez rejoindre un homme qui semble être un juge. Tu peux déterminer que c'est un juge à son style vestimentaire. Il est plutôt grand, il porte un chapeau, des lunettes de soleil rouge et une moustache proéminente. Oui. Torik, je vous présente le commissaire Prael. Bonjour, commissaire. Bonjour. Je viens ici pour réquisitionner des soldats pour rejoindre le front. Le clan du cafard est de plus en plus puissant. Et on m'a dit que vous étiez volontaire pour nous rejoindre. Je suis un peu décontenancé là, j'étais pas parti pour ça. Mais qui vous a dit que j'étais volontaire? Eh bien, votre nom était dans les registres. À ce moment-là, Ok. t'as ton supérieur qui balance un. Bon, allez, Torik, c'est pas le moment de se dégonfler. Ok. Et ça consiste en quoi? Eh bien, vous verrez sur place, mais globalement, nous allons combattre des cafards. Écoutez, bah, allons-y. Toute façon, c'est pas vraiment comme si vous aviez le choix. Bon, allez, Oui. suivez-moi. Bah, Tu vois qu'il sort de sa poche un petit bandana qu'il passe autour de sa bouche avant d'aller traverser le camp rempli de malades. Ouais. Il t'en propose un d'ailleurs, si tu veux. Ben je prends, oui. Ok. Ainsi, tous les deux, vous commencez à déambuler parmi les malades. Tu vois ces gens complètement miséreux qui se retrouvent les uns sur les autres, qui font des donations auprès du hôpital pour essayer d'accélérer les procédures de soins. Vous marchez pendant au moins un bon quart d'heure, tellement il y a de gens, tellement c'est quasiment vraiment une ville qui s'organise tout autour de l'hôpital. Et vous allez finalement rejoindre trois chevaux gardés par un anabaptiste. Bon allez, suivez-nous, monsieur Torik. Nous devons retrouver les autres. Allez, avant le coucher du soleil, si on a de la chance. Allons-y. Je Tu monte à montes sur l'un cheval des. et je suis. Très bien, tu montes sur un cheval et tu suis. Ensemble, vous allez galoper pendant plusieurs heures, enfin galoper, chevaucher pendant plusieurs heures, à travers le désert rouge. Il y a les sabots de vos bêtes qui soulèvent des monticules de poussière à chaque pas. Et comme ça, vous allez traverser une bonne partie du protectorat. Vous croisez des malades qui déambulent en groupe en direction du hôpital. Dans l'espoir d'être soigné. Vous croisez également des ferrailleurs qui, eux, vont se diriger en direction des ruines pour essayer d'y dénicher deux ou trois artefacts. Après plusieurs heures à galoper direction sud-est, vous quittez enfin la route. Vous rejoignez un sentier qui va donner sur le haut d'une colline. Tout au loin se dessine la silhouette d'une immense forêt. À côté de vous, quelques tentes ont été plantées ici et là. Mais à ta surprise, l'endroit n'habite que très peu d'hospitaliers. Chose encore plus étonnante, assis à une table, en train de jouer aux cartes avec un helvétique, tu remarques tes deux compagnons de route, Abby et Mokosh. Abby, ton côté, c'est le commissaire, qui est également venu te voir il y a quelques jours, pour demander de l'aider à démanteler un trafic de brûlures, dans un soi-disant bordel itinérant. Mokosh, toi, t'as été envoyé par ton supérieur pour escorter un groupe d'assets transportant des ressources au travers de l'Azer Rouge. Visiblement, tous vos motifs pour lesquels vous avez été convoqué sont plus faux les uns que les autres. L'Helvétique avec lequel vous êtes en train de jouer depuis tout à l'heure, lui-même ne sait pas ce qu'il fout là. C'est donc avec impatience que vous attendiez l'arrivée du commissaire, ces fameuses lunettes rouges sur le nez. Que faites-vous? Vous remarquez bien évidemment l'arrivée de Toric à l'intérieur du camp. Moi je le salue personnellement parce que on se connaît quoi. Ouais. Salut. Lui. Vous aussi, on vous a fait venir là? Oui, on dirait bien. Bon, écoutez, au moins ça fait plaisir de voir des visages connus. Ouais. Pourquoi t'es là, toi? Ben, je sais pas vraiment, a priori, enfin, le commissaire n'a pas été très. Très. Précis sur. Mais a priori, ce serait pour combattre sur le front contre les blafards. Donc, après, je pense que mes aptitudes à la médecine sont utilisées, je pense. Après, pour vous, je sais pas. Vous autres, vous remarquez quand même que vous vous trouvez absolument pas proche du front avec les cafards, qui lui, au contraire, est plutôt au nord. Oui, il n'y a pas de cafards dans le coin. Enfin. Le commissaire, il est à côté là? Ouais, il est à proximité, en train d'attacher les chevaux. Bah, du coup, quand il arrive, moi je me permettrai de lui poser la question. Je dis, écoutez, maintenant on y est, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est? On voit bien qu'il n'y a pas de blafard par ici. Non, en effet. Vous trois là, suivez-moi. On va discuter de tout ça dans la tente. Vous voyez qu'il pointe une tente, plus grande que les autres en plein milieu du camp. Bah, me suis. Oui, bah, je suis silencieuse. L'intérieur de la tente est composé d'un lit et d'un coffre. Vous rentrez à l'intérieur, vous avez suffisamment de place pour tenir. C'est alors que vous rejoignez dans la tente trois hommes. Et à la couleur de leur peau, vous comprenez qu'ils appartiennent au culte d'Africa. C'est assez rare dans les parages d'en voir, c'est même la première fois que vous en voyez quasiment. Vous les voyez qui s'installent près de vous comme si de rien n'était, avant que le commissaire commence à parler. De son côté, lui, il s'assoit sur le coffre. Il commence à allumer ce qui semble être du tabac à rouler. Puis il prend la parole. Très bien. Savez-vous où nous sommes? Non. Bah, vous allez nous le dire. Nous nous trouvons actuellement près de la forêt de Verflush. Nous sommes à peu près sûrs que l'ex-sénateur Simons s'y cache. C'est un homme de grande influence, connu entre autres pour son projet de coup d'état sur Justicienne, qui a heureusement échoué. Il est actuellement recherché par la majorité des cultes, dont Africa, et nous avons besoin que vous nous le rameniez vivant, le problème étant la forêt. Vous n'avez pas l'air de la connaître, donc je vais vous expliquer le problème. Elle est connue pour être maudite. Il paraîtrait qu'une bête vit à l'intérieur. Tous ceux qui rentrent n'en ressortent jamais. C'est pourquoi on l'a d'ailleurs surnommée la bête du déserteur. Quand vous êtes poursuivi, que vous n'avez plus nulle part où aller, vous rentrez à l'intérieur et vous tentez de la traverser. Elle est suffisamment grande pour que si vous en sortez, vous soyez quasiment impossible à retrouver. Le problème, c'est que l'ex-sénateur Simons possède encore de nombreux fidèles. C'est pourquoi on a dû monter une opération fantôme. On vous a réunis ici pour de faux motifs. Et vous avez également comme point commun de déjà avoir prouvé chacun vos valeurs et votre potentiel au sein de vos cultes, mais d'être suffisamment petit qu'on puisse vous déplacer sans éveiller les soupçons d'une taupe qui pourrait tenter d'avertir notre cible. Ok. Voilà. Je vois. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que vous entendez justement par cette forêt qui est des, enfin, assez bizarre, en quelque soit. C'est, on sait des choses sur cette forêt ou c'est vraiment le néant total? J'ai pas fait mon boulot à moitié, j'ai réuni tout un dossier par rapport à ça. Globalement, la forêt a toujours eu la légende d'être hantée. Des groupes de ferrailleurs entiers qui se rendaient à l'intérieur ont complètement disparu. Les groupes formés pour retrouver les ferrailleurs ont disparu aussi. Les habitants des environs, avant de partir, lorsqu'ils passaient près de ces dernières, disaient entendre les cris d'une bête ou d'une chose qui vivrait à l'intérieur. Mais bon, vous inquiétez pas. Avec vous, oui. Allez-y. Après, je pose la question, c'est juste, juste pour savoir, mais est-ce que cette bête pourrait avoir quelque chose avec un homo? Non? Je n'ose le peut-être. Dire parce que c'est pas. A priori, c'est ça ne leur ressemble pas. Mais c'est envisageable. Même si normalement, on n'en a pas dans la région. Ouais. On n'a vraiment aucune idée de ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle pousse un cri aigu. Et terrifiant. Est-ce que des hospitaliers sont déjà passés par là? Pardon? Oui, vas-y, Abby, je. Non, vas-y, moi, c'est pas vrai. Non, je demandais juste si les hospitaliers sont déjà venus par ici ou des. On a envoyé quelques escadrons d'hospitaliers autour de la forêt, mais on leur a jamais demandé de rentrer. Mais vous inquiétez pas, vous êtes accompagné de trois membres d'Africa. Écoutez, on a besoin de retrouver Simons. Ok. C'est un cas d'extrême urgence. Il faut que vous nous le rameniez vivant. Ça va être difficile s'il est déjà mort. Il y a de fortes chances qu'il soit déjà mort. Dans ce cas-là, ramenez juste... Une preuve de sa mort. On vous fait confiance. Ok. Normalement, il devrait posséder un anneau, avec ses initiales. Plutôt évident. Ok. Donc oui, Abby, tu voulais dire, je t'ai coupé, je suis désolé de... Oh non, cela. Moi, c'était juste savoir si c'était les seules infos qu'on avait sur la créature, mais je pense que... Oui, c'est encore ça très... Ça pourrait s'agir d'un Gendos ou quelque chose comme ça. Mais être suffisamment puissant pour pouvoir... et puis suffisamment rapide pour pouvoir couvrir toute la forêt. Et empêcher quiconque de la traverser. Les hommes qui seront avec vous, donc là vous voyez qui pointent les trois hommes d'Africa, qui sont globalement, qui ressemblent à des soldats noirs en armure avec plein de petites plumes pour décorer tout ça. Ce sont des spécialistes en pistage, et si jamais ils se font attaquer ou que vous êtes poursuivi, ils devraient pouvoir vous aider à vous en sortir. À ce moment-là, vous voyez qu'il se lève du coffre sur lequel il était assis et qu'il sort un trousseau de clés de sa poche. Il se met à genoux et puis il déverrouille le coffre. À l'intérieur, il va sortir trois lances harpons qu'il distribue aux trois soldats à côté de vous. Ouais. Pareil, à toi, Torik, il apporte des munitions pour ton fusil. Merci beaucoup. Ce sont des poussières de feu. Donc globalement, utilisez-le uniquement en cas de dernier recours. Ok. J'en ai combien? Vous avez 10 cartouches. 10 cartouches. Vous pourrez l'utiliser 10 fois. D'accord, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir à les utiliser. Nous non plus, on aimerait éviter que la forêt crame. Bon. Je sais pas si vous avez des questions spécialement. Sinon, mis à part cette chose, cette bête qui serait dans la forêt, est-ce qu'on a une idée de la faune ou ce qu'on va rencontrer là-bas? La faune et la flore? Pas grand chose de bien dangereux à mon avis. Peut-être des moustiques. Les Mais moustiques. on n'a pas aperçu de Gendos dans le coin, on les... sinon ils auraient attaqué les voyageurs ou les troupes de ferrailleurs qui passeraient à proximité. D'accord, et on est sûr qu'il n'y a pas de spores à l'intérieur. Non, a priori non. D'accord. Écoutez, ma foi, pour ma part, c'est ça ira maintenant. Ouais, moi j'ai rien à dire de plus, hein. Ouais, je pense qu'on va se débrouiller. Très bien. Tiens, faites-moi tous un test de intellect légende Oui, pour savoir, monsieur. sait-on jamais, si vous n'ayez pas déjà croisé Simons par le passé. Je vais lancer un dé. Oh là là, j'ai tellement de chance de réussir. J'ai fait 5. Intellect Donc ça fait une légende. réussite. C'est quoi légende déjà? Je vous l'affiche en anglais. Ah, légende. Ah, attends, je vais dire ça. Mais moi j'en ai pas. J'ai rien dedans donc je fais rien. Bah, C'est ça. légende. Ah oui, j'avais même pas vu. Putain, je suis con. Quand j'ai rien, j'en lance un dé, Non, c'est ça? t'as 2 en intellect, donc tu lances 2 points, je pense. Ah, oui. oui. Non, j'ai une 3. J'ai Voilà, bah, 3. tu lances Attends. 3. Oh, oui, passe, tu fais. En gros, tu fais ta caractéristique Toi, plus tu as ta 3, oui. compétence qui est liée. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai que 1 en intellect, c'est pour ça que j'ai lancé qu'un, parce que j'ai 0 en légende et 1 en intellect. Voilà. Une réussite, c'est au-dessus de 3, c'est ça? C'est ça. Bah, moi, Et les j'ai 6 sont des déclencheurs. J'ai Ok, eu donc. une ré... enfin, un déclencheur et un 1. Donc, en gros, j'ai une réussite et un échec, presque. Oui. Moi, j'ai qu'une réussite. Trois réussites, dont un déclencheur. Ok. Oh! De ton côté, Mokosh, tu as déjà pu croiser le sénateur Simons par le passé. Si tu veux, je te laisse imaginer dans quelles circonstances. Ça peut être une simple mission d'escorte, ou je sais pas, une altercation entre vous. Sachant que globalement, c'était un pourri qui cherchait à faire rentrer des soldats à l'intérieur de Justicienne pour en prendre le contrôle. Il est sympa ce monsieur. Bon, je sais pas, je suis un peu, je m'en foutis, donc j'imagine que c'était juste une histoire de. C'était quoi le mot déjà? La première solution là. L'escorte? Ouais, voilà, l'escorte. Ok. Ok. Et donc, il ressemblait à quoi ce monsieur du coup, en fait? Alors, c'était un petit monsieur, avec le crâne dégarni et qui doit l'être encore plus désormais. Il était blond, même si ses cheveux tenaient vraiment vers le blanc, mais dans tous les cas, tu le reconnaîtrais. Ok. D'accord. Ok. Eh bien, vous n'avez plus aucune question? Pas du tout pour ma part. Moi non plus. Ouais, non, rien. Très bien. Eh bien, bonne chance. J'imagine qu'on sera payé quand même. Bien évidemment. Si on renie, si on survit. Ouais. Non, sachez également que même si vous êtes évidemment remplaçable et si jamais vous veniez à disparaître comme la légende le prétend, nous sommes parfaitement capables d'envoyer d'autres hommes à votre place, mais dans l'idée, on aimerait que vous restiez en vie. Mais nous aussi, Moi aussi. sachez-le. Très bien. Bon, eh bien, je vais pas vous retarder plus longtemps. Plus on restera ici à parler, plus on laissera à notre homme une chance de s'en sortir et de traverser cette maudite forêt. Ouais, j'y vais. Notre côté, on va essayer de faire le tour en permanence pour le récupérer à la sortie, mais elle est tellement étendue qu'il y a peu de chances qu'on y arrive. Bon. À la prochaine, du coup. Eh bien, bonne chance. Merci Vous le beaucoup. voyez qui se lève et qui sort de la tente. Du coup, vous vous retrouvez là avec les trois hommes d'Africa qui n'ont pas dit un mot depuis le début. Qui commencent à tâter leur lance harpon. Moi, je suis un peu troublé parce que voilà, j'ai jamais eu affaire à eux, donc j'avoue, je sais pas trop comment aborder le truc avec eux. C'est pas souvent, enfin, c'est en général, c'est pas dans ce sens-là qu'on les, enfin, qu'on n'imagine pas collaborer d'habitude avec eux. Ça dépend en fait. Justement, la relation entre l'Afrique et l'Europe est assez compliquée puisque à la base, enfin, l'Afrique s'est transformée en un paradis tropical. Mais lorsque l'Hispanie, donc la Nouvelle-Espagne, a tenté de les envahir, ils se sont fait complètement rouler dessus par les Africains qui, eux, désormais, peuvent se permettre d'aller capturer des Blancs pour en faire des esclaves. Et prendre même des possessions des territoires. Ouais, Après, la situation s'est inversée. c'est ça. Et il y a trois grandes castes, quand même, parmi eux, dont les Néo-Libyens, qui sont des espèces de grands marchands, qui eux, au contraire, essayent justement de faire plus ou moins ami-ami avec l'Europe je sais pas, en investissant dans des bordels, en faisant du trafic de brûlures, ce genre de trucs. Donc. Officiellement, vous n'êtes pas en guerre contre eux, mais c'est vrai que c'est très rare d'en croiser dans la rue, quoi. Et bah du coup, est-ce que je peux leur demander, vous connaissez le secteur? C'est la première fois qu'on vient. Ok, donc Tu vois, il y en a c'est... un avec une espèce de petit bouc comme ça qui vient de te répondre. Oh bah, comme ça, on est tous pareils, quoi, quelque part. Vous aussi, On vous peut avez dire eu le ça comme ça. choix ou pas? De quoi devenir ici? Oui. Ça dépend ce que vous entendez par avoir le choix. Ah, je veux dire, si vous avez décidé par vous-même ou c'est votre chef qui vous l'a demandé. Non, on a été envoyé. Jusqu'à présent, on est un peu tous pareils. C'est bien, déjà sur. Tu vois qu'il rigole un peu dans sa barbe. Ouais, on est tous pareils. Et puis il se lève en prenant son lance-harpon. Bon, allez. A priori, on est capable de savoir exactement par où est-ce qu'il est entré dans la forêt. Un groupe de ferrailleurs l'a vu rentrer à l'intérieur. On a créé une marque avec un couteau sur l'arbre en question. D'ailleurs, par rapport à ça, on aurait une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous préférez qu'on fasse des marques tout le long de notre trajet pour être capable de retrouver notre chemin? Mais si on fait ça, c'est au risque que quelqu'un d'autre puisse lire nos Le trajet, quoi. On sache nos notre traces. direction. C'est ça. Où? J'ai aucune idée de ce que c'est cette histoire de bête ou si elle est capable ou non de faire preuve d'intelligence, mais bon, moi je serais plutôt de l'avis de la jouer sécurité. C'est-à-dire de marquer ou de pas marquer? De marquer. Ça se trouve, il n'y a pas de bête et puis tous aiguilles, ils meurent de faim. Ils se sont peut-être juste tous paumés dans cette forêt à la con. De toute manière, soit on meurt bouffé par la bestiole, soit on meurt perdu. Alors la bestiole, on peut l'affronter, être perdu, c'est difficile, donc autant marquer. Parfait. Après, on peut peut-être essayer de marquer à un endroit assez discret, ou à la base de l'arbre, vraiment, dans un coin. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Tu vois qu'il empoigne un couteau au niveau de sa botte. Bon, allez, on fait ça. Et puis là, les trois se lèvent. Et puis ils commencent à partir. J'imagine que vous les suivez. Bah oui, là. Oui. Vous sortez au niveau du camp. Il doit être aux alentours de 14h. 14h, 15h. Et aussitôt, vous vous dirigez en direction de la forêt. Vous voyez qu'elle est en effet assez grande. C'est pas la plus grande que vous ayez vue, mais elle fait sa taille. C'est difficile de s'imaginer pouvoir trouver quelqu'un à l'intérieur. Mais bon, paraît-il que les Africains sont d'excellents pisteurs. Surtout les fléaux, dont font partie vos trois compagnons. En moins de 10 minutes, vous êtes arrivé juste devant l'entrée, on va dire, de la forêt. Vous voyez en effet une espèce de croix faite sur un arbre. C'est ici qu'ils l'ont vu rentrer. Vous voyez ces arbres, donc ces conifères et ces sépias qui ont une taille relativement grande pour une forêt. Et à peine pénétré à l'intérieur, vous sentez une étrange sensation. C'est presque comme si toutes ces feuilles, tous ces arbres de plus en plus serrés empêchaient la lumière de passer. Vous vous sentez coupé du monde extérieur. Vous sauriez même pas dire s'il faisait jour ou s'il fait nuit en fait. Vous avez aussi cette étrange sensation que tout est trop calme. Dans le sens où vous entendez absolument rien. Pas un oiseau, pas un rongeur, rien. Tout ce que vous entendez, c'est vos bruits de pas. Bah, disons que moi, par réflexe, même si je pense qu'il n'y a rien, je vais quand même regarder mon dilacérateur pour voir si le Regardez ton mollusque, mollusque. si mon Très bien. mollusque fait quelque chose ou pas. En effet, tu poses tes yeux sur ton mollusque et tu vois qu'il bouge absolument pas. Déjà, ça me Même rassure. habit doit être sobre alors qu'il est. Vous entamez la marche. Les Africains passent devant. Vous les voyez qui s'agenouillent de temps en temps, qui regardent au niveau des arbres, des traces dans la boue, des branches qui auraient été cassées ou autres. Vous êtes juste derrière. Vous déambulez comme ça parmi la mousse, les racines et les ronces. Toujours aucun bruit à l'horizon. Aucune bête, aucun oiseau, rien. Plus vous vous enfoncez, plus il commence à faire froid et sombre. Vous marchez, vous enjambez des rochers qui bloquent le passage. Vous contournez de vieux arbres morts. Vous passez également le long d'un ruisseau. Vous en profitez pour remplir vos gourdes. Vous voyez que les Africains ont pris un peu de matos, dont des filtres avec eux. Au niveau de la terre, juste à côté du ruisseau, une terre donc qui est proche de la boue, vous distinguez assez nettement une trace de pas. Elle est beaucoup trop propre pour être vieille. Elle est forcément récente. Les De trois pas. Africains se regardent puis retournent leur tête vers vous et vous comprenez leur regard que vous êtes sur la bonne piste. Vous avez une remarque à faire? Non, je demandais si c'était humain, mais tu viens de me confirmer Ah que oui, c'était tout à c'était fait humain. clairement humain, oui. La marche reprend. Vous allez marcher ainsi pendant 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, vous savez pas trop. Rapidement, pour combattre cette ambiance un peu malaisante et angoissante, l'un des Africains se met à chantonner une chanson de son pays, vous l'avez jamais entendue. Puis il commence à raconter quelques anecdotes. Et puis il vous pose des questions. C'est vrai qu'il y a un clan qui utilise des vieilles voies ferrées pour déplacer des trains. À ce qui paraît, ils les ont même aménagés en ville, avec des bordels et tout. Ou alors des questions du genre, c'est vrai qu'il y a des clans qui sont vraiment en train de se réunir pour envahir le protectorat. Et à la limite de se foutre de votre gueule, comme si vous étiez trop faible pour pouvoir mater des sauvages. Ils discutent aussi des huiles anabaptistes auxquelles on attribue des propriétés magiques. Pour lui, c'est une pure invention. Il aimerait savoir si c'est vrai ou pas. Votre côté, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder avec eux ou Ouh. Ou même des sujets que vous voudriez aborder en général, je sais pas si. Non. Enfin, j'aimerais bien juste connaître leur nom, histoire de savoir le. De pouvoir le. Enfin, leur parler dans l'action ou un Pas de truc comme soucis. ça. Le premier, celui avec le bout, qui se fait appeler Aidal Pister. Le deuxième, il s'appelle Ewan. Et le troisième, Imi sans trace. Voilà. Ok. Imi et Ewan, donc les deux auxquels vous n'avez pas parlé pour l'instant, ce sont des frères. Pas jumeaux, mais ils se ressemblent étrangement. Globalement, c'est des grands blacks relativement musclés, au crâne rasé. Vous savez qu'ils ont la coutume, en plus de leur tenue typique de fléau, de porter des masques normalement. Par exemple, des masques avec des têtes de lion. C'est pas le cas. Mais vous voyez leurs différentes cicatrices que clairement, c'est pas des débutants. Ils ont dû en voir des de toutes les couleurs déjà. Ouais, bah s'il prend l'impression, ça marche pas. Vous continuez de marcher. Vous contournez une espèce de grande colline. Vous les voyez, eux, toujours à l'affût de la moindre trace, la moindre branche pétée, la moindre trace dans la terre. Le rocher sur quelqu'un aurait pu. Sur quelqu'un qui. Enfin, le rocher sur lequel on aurait pu se poser pour manger, puis laisser tomber quelque chose à droite à gauche. L'ambiance commence vraiment à devenir pesante. Vous entendrez vraiment aucun bruit. Rien. La moindre branche sur laquelle vous marchez fait. Semble résonner au travers de toute la forêt. Et vous allez marcher comme ça pendant encore plusieurs heures. Vous savez même plus distinguer le nord du sud, l'ouest de l'est. Les Africains commencent à prendre de l'avance sur vous. Vous vous retrouvez isolés. Ils sont à quelques mètres en face. Je suis quand même Je mal à profite. l'aise, moi. Ah. Vas-y. Je Oui, profite du fait qu'on est un peu éloigné des autres là vas-y. pour faire remarquer aux autres que c'est quand même assez spécial qu'on se retrouve de nouveau comme ça de manière. Enfin, les excuses de on est assez petit dans nos différents cultes et tout ça, blablabla, ça tombe sur nous alors qu'on se connaît déjà. C'est pas faux. Bah, disons que. De ce que j'ai compris par rapport à ce que dit le commissaire, ils se sont basés par rapport à notre petite escapade à Moon Ouais, Luther. mais y a pas que nous, en gens petits, qui se sont fait remarquer du culte. Je te connais des meilleurs, enfin des meilleurs, j'exagère, mais pas mal d'apocalyptiques qui auraient bien fait l'affaire aussi. Ah, je. Tu penses vraiment que ça pourrait être notre petite histoire qui. Pense pas, j'affirme juste l'affirmation, enfin la contestation de Mokosh, mais je ne pense rien en particulier. Ouais, bah écoute, on verra, de toute façon, maintenant on est là, donc Oui, c'est sûr. on n'a pas trop le choix, à vrai dire. Mais bon, je suis pas bien quand même, là. Enfin, pour l'instant, mon mollusque ne bouge pas, donc on va dire que par rapport au sport et tout ça, on est un peu tranquille, quoi, mais méfions-nous. Je reste quand même sur le qui-vive par rapport à ça. De toute façon, on sait qu'on peut compter entre nous. Ouais. Et du coup, j'aimerais demander au juste par comme ça en fait pour savoir est-ce que les trois qui sont avec nous ont déjà eu affaire, eux, de leur côté, à quelqu'un qui a été contaminé par Le sport, les sports ou pas? Très bien. Du coup, tu prends un peu d'avance pour aller parler aux Africains, c'est ça? Bah ouais, je presse un peu le pas, quoi, Ceux disons, qui sont à quelques mètres, bien sûr. j'essaie de En attendant, du les... coup, tu laisses Mokosh et Abby seuls et de ton côté, Abby, tu te rappelles un peu des dernières paroles, comme si elles résonnaient dans ta tête de Toric, qui justement parlait des sports. Parce qu'actuellement, dans ta poche, à l'intérieur de ta main, t'as quelques bourgeons de brûlure. Que t'as pensé de prendre avant de partir au cas où? Donc, c'est bien. Toric, toi, tu vas rejoindre les Africains. Tu vois qu'ils sont en train de parler entre eux. Ils se sont arrêtés près d'un rocher. Du coup, bah, je vais les voir. Excusez-moi. J'aurais aimé savoir si déjà vous, de votre côté, vous aviez déjà eu affaire à des gens contaminés par les spores. Bah oui, plusieurs fois. En fait, même avant d'arriver à vous voir, on est tombé sur une espèce de troupe de lépros. Des vieux mecs dégueulasses qui étaient complètement sous l'emprise. On les a éclatés. Bah déjà c'est une bonne Ce qui chose, paraît, vous parce que... étudiez ça toute la journée dans votre... Oui, bah pour ma part, oui, c'est vrai que nous, les hospitaliers, nous avons, disons, quelques spécialités par rapport à ça, enfin une spécialisation particulière par rapport à tout ça, puisque nous essayons d'éradiquer totalement les spores et tout ce qui découle de tout ça. Mais bon, c'est vrai que... Même si nous travaillons dur, ça reste un combat de longue haleine et un combat qui est loin, très très loin d'être gagné. Surtout que Qui dans nos sourit un rangs, peu comme nous... si la naïveté le touchait. Surtout que dans nos rangs, nous avons des gens qui aime consommer les spores, enfin les bourgeons, et ça c'est plutôt pénible, je dois dire. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous avez déjà eu à combattre ce genre de choses, puisque peut-être nous aurons affaire à eux, on sait jamais. Ah bah écoutez, un lépros, c'est plutôt agréable à frapper, pour tout vous dire. Si ça reste un lépros, oui. Si on a affaire à quelque chose de plus puissant, là par contre, je pense que... Personnellement, j'en ai jamais vu et j'ai pas envie d'en voir. Mais s'il y en a un ici, je pense que à nous six, ça va être compliqué. Tu vois Iwan qui est juste à côté, qui rigole un peu... Mais pas du type moquerie, plutôt du style... Ouais, la bête. Bon bah on verra ça. Hein. Ouais. À ce moment-là, vous êtes rejoint par Abby et Mokosh. Vous en avez profité, vous, du fait que vous étiez un peu reculé pour discuter ou pour... Pas spécialement. Juste demander si c'était consommatrice de... Ou pas. Mais ce n'est pas le cas. Non, du coup, je vais tirer la langue. Ça marche. Vous commencez sincèrement à avoir mal aux jambes et aux pieds aussi. Vous demandez si vous n'allez pas avoir une ou deux ampoules le lendemain. Vous voyez les Africains qui, eux, en plus de suivre la piste, portent de gros sacs qui contiennent certainement une tente et des sacs de couchage. Quelques heures plus tard, vous les voyez qui s'arrêtent à nouveau. Vous allez reprendre, on va dire, remarcher sur vos pas. Et puis vous arrivez finalement à la conclusion que vous êtes complètement perdu. Ah bah super. Ouais. Et les On sait pas où il est marteaux. passé. On... Attends. Non, non. Ne vous inquiétez pas, on a les marques. En effet, sur chaque arbre, tous les deux arbres, ils font une petite entaille en forme de croix, histoire de garder votre chemin. Bon. Je sais pas vraiment. Vous voyez qu'il lève la tête. Impossible de voir le ciel à cause de tous ces arbres, de toutes ces feuilles. Genre, la nature a vraiment repris ses droits. Ça va faire plus de 500 ans que personne est venu ici. Bon, écoutez, on va se poser et puis on continuera ça demain. Ça vous va? Oui, ça En va. plus, là, on a la chance d'être sur un terrain relativement plat, donc autant poser la tente. Vous les voyez qui déposent des sacs et qui les ouvrent. En effet, ils sortent d'une tente qui commence à monter. Vous leur filez un coup de main et il y en a un d'entre eux qui allume un feu. Écoute, je m'assois à côté, essayer de profiter du feu. Oui, bah oui, on s'installe tous, hein, j'imagine. Avec mon dilacérateur vraiment juste à côté de moi. Genre, Tu poses ton dilacérateur encore juste à côté. limite je plante vraiment, t'es dans le sol avec le pointu et pour l'avoir, et Ok, puis comme tu le plantes dans la mousse et en effet dans la terre, tu vois que ça se plante parfaitement bien. Voilà. Le mollusque à l'intérieur, toujours immobile. Une trace, a priori, de spore. Du coup, je profite pour dire à tout le monde, hein, puisqu'on est tous là. Je dis voilà, je mets mon dilacérateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, je sais que vous deux, Mokosh et Abby, vous savez déjà. Mais si jamais l'un d'entre vous voyait le mollusque qui est à l'intérieur bouger, il faut tout de suite m'avertir. Tu vois un des Africains qui a l'air de te regarder avec vraiment grand intérêt. Bah, on nous avait parlé de ces espèces de choses, mais je dois avouer que j'y croyais pas trop. Vous l'avez déjà vu bouger ou Oui, je j'ai déjà vu D'accord. bouger, mais mes amis Intéressant. aussi. Ouais, on l'a déjà vu bouger. C'est un système qui permet de repérer des personnes qui seraient contaminées, mais à des niveaux assez élevés. Et Ouais, de brûler des villages. c'est pour sauver des vies quelque part. Je sais que ça t'a troublé, j'en suis désolé, mais c'est un sacrifice qui était nécessaire. Mais bon, voilà, ça nous permet de signaler la présence de personnes fortement contaminées qui pourraient potentiellement devenir par la suite des, ce que je n'aime pas nommer, mais des Homo de Genesis. Le prédateur ultime, ouais. On nous en a parlé aussi. Voilà. Jamais croisé pour l'instant, mais ça pourrait être rigolo à chasser. Tu vois Oh, qu'il sort croyez-moi, son lance-harpon. En attendant, on a ça. croyez-moi, je sais même pas si ce que vous avez là suffirait à y arriver, à en venir à bout. Mais bon, il n'y a rien de tout cela ici. Mais Non, non, non. Et puis, ce qui paraît, on les remarque. On oui, dit ne vous qu'ils ont des inquiétez pas. espèces de influence sur l'écosystème. Mais bon, Dis-moi, croyez-moi si. Ewan, tu veux bien me passer la bouffe, s'il te plaît? Enfin, Il est chaud. croyez-moi, de toute façon, On si lui vous sort la bouffe. voyez, si vous voyez mon mollusque bouger dans tous les sens, vous saurez qu'il y en a un. Je pense que s'il y en aurait un juste à côté, je pense qu'il bougerait déjà. Voilà, donc Je sais que on ne la forêt est s'inquiète plus. grande, mais... Tout va bien. Bon allez, tenez, vous voyez qu'il commence à distribuer les rations entre vous. La nourriture, elle est étonnamment bonne. Vous attendiez à des espèces de vieux morceaux. Mais ça a l'air de la viande plutôt fraîche. Vous pouvez même la faire réchauffer, c'est même conseillé au niveau du feu. Pas mal. Quelques instants plus tard, vous pouvez commencer à la manger. Parfait, ça vous cale bien. Bon, on a les sacs de couchage, mais je vous propose qu'on fasse des tours de guet. Ça vous va? Oui. Ok, parfait. Bon, on n'a pas vraiment moyen d'évaluer le temps, mais j'imagine qu'on va essayer de se relayer toutes les 2 heures. Et puis, dès qu'on se sera tous relayés, ça voudra dire qu'on aura dormi. Ouais, non, 12 heures, ça va faire beaucoup. On va toutes les heures alors. Ouais, si vous voulez. Voyez Aïda qui était juste à côté, qui est en train de bouffer. Je vais prendre le premier. Les autres allez vous coucher. Il envoie son lance-harpon et puis vous voyez les autres qui rentrent au niveau de la tente. C'est une espèce de tente un peu que dont on peut entendre parler de temps en temps, qui sont relativement luxueuses puisqu'elles possèdent des espèces de chambres à l'intérieur. La tente à l'intérieur est séparée en deux, qui permet aux 2 hommes de se mettre de leur côté. Et puis, qui voulait être un espace libre pour vous trois. Ok. Vous essayez de dormir? Ouais. Bah Moi, de toute façon, oui. moi, je veux Moi, dormir à personnellement, Belle Étoile. Hein. ouais. Si je veux. Mais moi, je vais essayer de dormir à l'intérieur, mais d'un seul œil, parce que je sais pas, j'aurais pas confiance s'ils sont pas blancs. Très Ah bien. non, mais c'est pour d'autres raisons que j'aurais pas confiance. Je m'en doute, n'en fais pas. Vous commencez à dormir. Après quelques temps, vous entendez des bruits de pas au niveau de la tente. Et puis l'un des Africains qui parle à l'oreille d'un autre. Alors l'autre sort à son tour. Premier va se coucher à sa place. Un peu plus tard, c'est toi, Torik, qui est réveillé par justement le second Africain. C'est Yuan. Tu vois qu'il commence à te secouer au niveau des épaules. Oui. Sommeil? Oui. Ok. Il n'en a rien vu pour l'instant. D'accord. Moi, je me lève et je vais à côté du feu, Tu j'imagine, qui doit l'accompagnes au niveau toujours. du feu. Le feu, ouais, il fait encore un peu de lumière, pas grand-chose. Il commence à perdre. Bah écoute, je rajoute, s'il y a à côté du bois, je rajoute un peu dedans pour que ça reparte un peu, En histoire vrai, de... c'est même mieux sans feu, parce que comme ça, tu t'habitues à l'obscurité. Tu Ouais, rajoutes mais un peu de bon, bois. je sais pas comment il fait froid dehors, tu vois, si il fait frais, C'est vrai qu'il fait un peu froid. je vais pas me Si tu veux, tu peux geler. aller chercher ta couverture au niveau de la tente. Non, mais c'est bon, de toute façon, après, avec ma combinaison qui est serrée au corps et qui baigne, où je baigne dans mon jus, ça va me réchauffer. Tu te sens relativement oppressé quand même de te retrouver seul comme ça devant la tente, alors que tout le monde est rentré dormir. Il n'y a vraiment aucun bruit dans toute la forêt, pas un hibou, pas un oiseau, rien. Et du coup, je m'assois et Alors, je sais pas si j'avais eu le temps d'emmener des effets personnels ou pas du tout. Si j'avais un Oui, oui, sans bouquin, doute. quelque chose Bah, ce que tu dois avoir sur sur toi, t'as un mes. bouquin sur la médecine. Ouais, donc bah, du coup, je prends un bouquin sur mes dernières recherches, enfin, les derniers trucs que j'ai eu Bien sûr. à analyser avant de partir. Et puis de temps en temps, pendant la lecture, je regarde mon mollusque pour voir Très si bien. rien n'a changé. Mais J'entame un du coup, je. chapitre sur le désert de Sahel au nord, qui Voilà. fait frontière avec le protectorat. C'est là que se trouvent les nanates de Stoukhov. Tu lis un peu, tu apprends deux, trois trucs sur eux, comme quoi. Ils font partie des clans, et même s'ils sont relativement hostiles avec ceux qui vont sur leur territoire, ils ont une espèce de commerce avec les hospitaliers. Tu lis des rapports sur justement certains d'entre vous qui auraient pris contact avec eux. De temps en temps, tu jettes des coups d'œil à ton mollusque, il est complètement immobile. Et puis le temps passe. Le temps passe. À partir d'un certain moment, tu peux considérer que ça fait à peu près 1 heure, tu sais pas trop. Ok, du coup bah, je peux me diriger vers la tente pour essayer Bien sûr. de chercher quelqu'un. Donc bah, du coup je C'est vais. pour l'instant, il reste tes deux compagnons et Amy sans trace. Bah je vais aller réveiller Abby. Ok. Du coup, je m'approche d'elle, je tape doucement sur l'épaule, je dis Abby, Abby, c'est ton tour. Bah, Tu, je me pour lève l'instant, il n'y vivement. a rien à signaler. Si tu veux, tu peux remettre un peu de bois pour le feu, mais a priori, c'est bon. Ok. Voilà, donc bah, je laisse la place. Avis, tu te réveilles. J'imagine que tu te lèves et que tu te diriges au niveau du feu. Oui, Tu remarques en effet qu'il fait beaucoup plus froid. Est-ce que tu retournes prendre ta couverture? non, c'est pas. Ok. Tu le poses à côté du feu. Tout comme Doric, tu n'entends rien. Rien aux alentours. À part peut-être le vent entre les feuilles. Et tu vas rester là. Pendant quasiment 1 heure. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? T'es là. Tu penses. T'observes. Une fois que le temps passe, ça va venir autour de soit Mokosh, soit du de Amy d'aller faire son tour de garde. J'ai réveillé Amy. Tu vas réveiller Amy. Tu vois, pareil, il dormait que d'un œil. Il se lève, il va se poser au niveau du feu. Et toi, tu retournes te coucher. Le temps passe, vous vous rendormez. Et puis, Mokosh, toi, tu te réveilles un peu. Tu sais pas trop pourquoi, quelque chose vient de bouger à côté de toi. C'est sans doute Abby qui vient de retourner de se coucher. T'attends ton tour. Mais personne vient te chercher. Attends, genre j'attends depuis un moment. Pardon? J'attends un moment, tu veux dire? Bah, t'attends, mais visiblement personne a l'air de venir te réveiller. Bah parfait. Et puis, tu remarques que Torik également, toi aussi, tu viens de te réveiller. Je sais pas combien de temps t'as dormi, mais. Et du coup, quelle heure il est là? Enfin, quelle heure? Si on peut donner 1 heure, mais. Vous connaissez le principe d'ailleurs, il reste quelques horloges, mais c'est vrai que vous n'en avez pas avec vous. Ok. C'est le tour de qui là? Je regarde autour de moi et je. Qui est absent? Parce que j'imagine que tous les autres sont avec nous. À l'intérieur de votre propre chambre, au sein de la tente, vous êtes tous les trois là. Tu vois Mokosh à moitié réveillé et Abby qui semble dormir. Je sais pas trop où aller sur le ventre. Est-ce que j'ai moyen vite fait de. De voir les autres si. À côté? À côté, oui. Okay. Si... Tu passes la tête à travers la chambre, enfin l'ouverture, ou la moustiquaire. Et puis. Oui, bah tu vois les autres. Deux Africains en train de dormir. Tu les vois, ils se sont endormis en armure. Ils ont leur lance-harpon à portée de main. D'accord. Bah, écoute, et oui. Lorsque tu approches la tête de la sortie, c'est là que tu remarques que le feu est éteint. Alors, mais malgré que le feu est éteint, est-ce que j'arrive à voir quelque chose? Ça reste... Il fait sombre, non, t'as l'air de distinguer un ou deux arbres. Vos sacs posés à proximité de la tente. Et personne? Pas de... Personne non, a vu. Tu vois personne d'autre. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais voir, je retourne voir les Abby et Mokosh. Et je les réveille. Je fais. Hey, réveillez-vous. Celui qui devait garder le camp, il est pas là. Il n'y a plus personne. Les deux sont en train de dormir à côté, mais le troisième est pas dehors. Il est parti pisser, il va revenir. Moi, je me lève et je prends mon arme, puis je vais jeter un coup d'œil dehors. Tu te lèves, tu chopes ton espadon et tu passes en effet devant la tente. Pareil, quand tu sors, tout de suite tu sens qu'il fait froid. Tu regardes au niveau du feu, tu vois qu'il est éteint. Tu jettes un coup d'œil à droite, à gauche, tu vois que des arbres, des rochers, de la mousse et quelques racines, mais tu vois personne. Bah moi je sors avec lui. Et si c'est à côté, je vais essayer de récupérer mon dilacérateur qui était toujours normalement planté dans le sol. Bien sûr, il est toujours là, planté dans le sol, tu le récupères. Le mollusque toujours immobile. Ok, et puis je regarde autour de moi si je peux voir quelque chose en même temps. Très bien. Faites-moi tous les deux un jet de... Alors ça va être perception... qui est dans instinct. Avec une difficulté de 2. Oh, si j'arrive pas à celui-là, c'est que je suis nul. Oh punaise, bah, moi c'est dégueulasse. Bah j'ai un échec dedans, je suis à 1 et les autres, il n'y a rien. Aucune réussite? Aucune réussite et un 1. Alors, de ton côté, Torik, tu fais quelques pas vers la gauche, tu sembles avoir aperçu quelque chose. D'un coup, sans que tu le remarques, tu poses ton pied au niveau d'une pierre moussue et simplement tu glisses. Ton corps est projeté en avant et tu t'étales dans la boue qui se trouve juste en face. Oh putain. Oh. Donc toi qui étais si propre, non. Si parfait, tu te retrouves désormais attaché de boue. Un pour l'un qui va gagner un nettoyage hospital. Voilà. Bon, juste pour l'explication en termes de règles, c'est vrai que quand tu fais plus de 1 que de réussite, c'est un échec critique. Oui, bah. Bon, maintenant, pour un test de perception, les enjeux n'étaient pas. Voilà. Mais il vaut mieux que je le fasse maintenant. C'est ça. Et ton côté, Mokosh? Moi, de mon côté, j'ai 5 réussites, dont un déclencheur. 5 réussites. Oui. Ok. Pareil, toi, tu fais un petit peu le tour du camp. Et tu remarques justement 2-3 traces de pas qui seront visiblement celles de l'Africain qui a dû sans doute, oui, comme le disait Abby, partir aller pisser. Et entre deux arbres, il commence à y avoir une espèce de petit dénivelé. Et en plein milieu du dénivelé, tu remarques le lance-harpon abandonné, en plein milieu de la mousse. Super. Bah, Du coup. je vais faire signe à Tori déjà. Bah, du coup, moi Je je me te lève retourne. et je nettoie toute la boue que j'ai sur moi et je regarde mon coach. Je fais alors? Tu vois quelque Il a chose? l'air d'être mort. Mort? Mais Enfin, en tout cas, il est plus là. tu l'as trouvé? Tu l'as vu? Ben, j'ai trouvé ça là-bas. Puis je descends un peu le dénivelé pour aller choper l'arme. Tu descends le dénivelé, tu te prends les pieds dans 2-3 racines, mais t'arrives finalement. Tu la ramasses. Tu regardes à droite, à gauche, tu vois rien d'autre. Je dis Plus ben, ok, d'empreintes. bouge pas, je vais chercher les autres, je réveille les autres. Mais du coup, je retourne dans les tentes et là, bah, je dis tous, hein, je dis à haute voix, levez-vous, l'un de vos amis a disparu. Abby, toi pareil, t'es clairement réveillé par cet appel. Tu vois, toi, Torik, les deux autres soldats qui se réveillaient. Hein, quoi? Votre ami, il a disparu. On a retrouvé son lance-harpon par terre. Merde. Tu vois Aïda qui chope son lance-harpon et qui sort d'un coup en furie de la tente. Il se met à crier. Imi! Oh putain, quel con. Imi! Aucune réponse. Je lui casse la gueule, Vous entendez juste son cri qui résonne moi. au loin. S'il crie une troisième fois, je lui fous un coup avec le lance-harpon de son frère. J'essaie de lui dire moins fort, on sait jamais s'il a disparu, peut-être qu'il y a des gens, enfin quelqu'un autour de qui nous observe ou. Ouais, bah je les attends. Putain de merde! Tu Et fous vous un êtes gros coup de pas. pied dans une pierre qui va dévaler au loin. Et vous n'êtes pas des censés, enfin vous n'êtes pas censé traquer, savoir traquer des bêtes ou vous pouvez pas essayer de trouver sa trace. Bien sûr qu'on va essayer de trouver sa trace. En même temps, on voit pas grand-chose là. Tu vois Ewan qui sort également de la tente, l'air complètement silencieux, presque blasé. Tu sens ton côté théorique à son regard. Tu sais, il a même le regard que les gens qui accompagnent des patients à l'hôpital, tout en sachant qu'ils ont quasiment aucune chance d'être sauvés. Oui, il a déjà accepté quelque part que son ami est mort. Ou probablement mort. Frère. En l'occurrence, il faut qu'on le retrouve. Ah Il faut bah qu'on oui. retrouve ce qui s'est passé. Vous pensez que ça pourrait être le sénateur? Écoutez, on n'en Oh sait putain. rien. Après, si ça avait été une bête, elle aurait très bien pu attaquer le camp par la suite. Donc, je sais pas. Ou alors, peut-être qu'il s'est perdu et qu'il a perdu sa trace. Ou qu'il faut voir s'il est peut-être pas tombé à proximité du camp. Je sais pas, c'est vous les trackers, donc traquer? Tu les vois qui commencent à s'activer au nez autour du camp. Abby, toujours pas sortie de sa couchette. Ah, Encore d'accord. 5 minutes. De votre côté, vous trois, qu'est-ce que vous faites? Vous les voyez, ils font le tour. Pareil, un peu comme hier, ils examinent les arbres, ils examinent. Moi personnellement, je me nettoie. L'ambiance commence vraiment à être pesante, ça veut dire que. Vous qui avez toujours l'habitude jusque-là d'être extrêmement actif, extrêmement décisif de vos actions, vous vous sentez là presque impuissant par rapport à ce qui se passe. Toi, tu essaies de retirer la boue qui s'est déposée sur toi. Bah, moi je préviens mes compagnons que quoi que disent les deux autres là, on va pas traquer leurs potes et nous on n'est pas là pour ça et ça risque de nous foutre encore plus dans le dans Totalement la merde. d'accord. C'est un coup à l'espère pour ça. Voilà. Déjà qu'on n'arrive pas à retrouver l'autre, alors son massif de traces en même temps. Ouais. Là! Il y en a un Ah. qui. A priori, Iwan a trouvé quelque chose. Il est Vous mort. approchez de lui. Non, mais regardez, il y a. Y a des traces là, il y a quelque chose qui est passé. C'est peut-être Timmy. Ou votre sénateur. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Vous voyez qui vous pointe, en effet, vous voyez une racine. Un peu morte au niveau d'un arbre qui est complètement pété en deux, comme si quelqu'un avait posé le pied dessus. Je vous propose qu'on continue. On continue, mais là il fait complètement nuit, non? Non, non, là, il doit être aux alentours de 7 h du matin, peut-être. Mais D'accord. bon, les arbres occultent pas mal la lumière du soleil. Oui, donc en gros, c'est quasiment la seule lumière qu'on aura depuis C'est ça, en pleine journée, vos quoi. yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité, mais c'est vrai que. Bah, de toute façon, faut Ouais. reprendre du coup la tente avant de partir. On récupère nos Bah, de toute affaires. façon, oui, clairement, on Ouais. s'en va. Enfin, on lève le camp et on va chercher. Après, peut-être justement chercher le corps, vu qu'on sait pas. De toute façon, on sait vraiment pas pour l'instant où vraiment aller. Donc, peut-être si c'est vraiment eux, si c'est le sénateur, ça peut-être nous mener quelque part à lui, si on arrive à le. À, voilà quoi. Non. C'est-à-dire, enfin, genre, d'un côté, je sais pas pourquoi le sénateur aurait fait ça, étant donné qu'on était tous rendormir dans une tente à côté, et que du coup, ils auraient pu tous nous avoir maintenant. Plutôt que prendre quelqu'un, sachant qu'on va partir sur ses traces. C'est que là, il y avait clairement moyen d'aller tous vous égorger les uns après les autres. Mais il s'est juste fait manger par quelque chose qui avait faim, c'est tout. C'est le plus probable. Bon, et puis c'est parti, et puis c'est très loin. De toute façon, il faut qu'on avance. De toute manière, il faut qu'on avance Oui. et on peut pas avancer sans eux. Et On je va n'ai pas jamais remis la question le fait d'avancer ou pas. Je dis juste que de toute façon, on reprend nos affaires et après, bah, on suit cette trace qu'on a. Oui, Vous allez récupérer la moi ça tente. me va, hein. Ça me va, hein. Vous continuez de discuter pendant que vous la démontez. Ça me va. Vous la repliez. Du coup, harpon de Amy, quelqu'un en veut? Ça nous est à tout porter non plus. C'est quoi en fait finalement ce genre d'armes là? C'est un lance-harpon en fait. C'est tout con quoi. C'est une arme qui. Fait, c'est une espèce d'arbalète avec un harpon à l'intérieur. À la limite, Le on peut les harpon en question cartilaires. peut être relié à une corde. Pardon? Non, vas-y, continue. Non, vas-y, excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, je disais juste qu'à la limite, je voulais bien, étant donné que je n'ai qu'un stylet pour me défendre. Comparé aux gens avec leur grosse épée, là. Ouais, bah vas-y, prends-le, copesse. Tiens, tu vois, il te le tend. Merci. Ça sera mieux que le petit stylet pour se défendre. Fais gaffe au recul, par contre. Je verrai. Ok. Vous reprenez la route. À nouveau, tous les deux arbres, vous marquez. Vous empruntez des espèces de passages. Vous traversez les ronces. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de suivre la piste. Car en fait, il y a tellement de végétation autour de vous qu'il suffit de poser un pied sur une plante pour qu'elle dénote du paysage. Oh. Mais du coup, on pourrait s'en servir pour voir si les gens sont déjà passés par devant où on est. Parce que si tout est nickel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace. Ouais. Bah, de toute manière, on n'a qu'une seule piste, alors le mieux c'est de suivre cette piste-là, hein. Peu importe si elle mène à notre disparu récent, notre vraie cible. Vous prenez la route. Je reprécise quand même à nos compagnons qu'on est là pour le type, enfin, genre histoire d'être sûr qu'ils sont pas à la recherche de leur copain. Je vois Aïda qui acquiesce sans vraiment te regarder et Iwan qui bon, évidemment a l'air plutôt en désaccord avec ce que tu dis, mais qui sait que de toute façon il aura aucun argument valable contre hors le fait qu'il s'agit de son frère et que ça, pour toi, ça n'a aucune importance. Oui. Et mon espadon a beaucoup plus d'importance. En plus, il faut le dire, dans certains pays d'Europe, provoquer la mort d'un Africain, c'est récompensé. Magnifique. Au bout d'un certain temps, vous arrivez au niveau d'une espèce de colline. Et tout de suite, il y a quelque chose qui vous interpelle. Une espèce de cercle de pierre, comme si quelqu'un avait allumé un feu. Ça, c'est bien. Je vais vérifier, bon, enfin, je me rapproche lentement, hein, je vais pas courir vers là-bas. Mais histoire de voir si ça a l'air récent, s'il y a de la cendre récente ou ce genre de truc. Tu te rapproches tranquillement, tu fais attention. Tout de suite, au niveau de, je pense, cette mini-colline, il y a un petit peu moins d'arbres, donc tu vois un peu plus clair. C'est presque agréable, justement, d'avoir le soleil qui, à nouveau, traverse les feuilles. Ça te permet également aussi d'avoir une meilleure visibilité et tu arrives à la conclusion que il n'y a personne d'autre à part vous aux alentours. Tu te rapproches du feu et tu t'agenouilles à côté puis tu commences à examiner les cendres. Il a l'air quand même relativement vieux, il a au moins 3 jours ou 2 peut-être. En tout cas, il n'a pas été allumé cette nuit. Alors ? Moi je regarde aux alentours s'il n'y a pas des traces de quelqu'un qui a marché, un truc du genre, mis à part de l'autre côté. Très bien. Tu vas me faire également un jet de perception. Avec une difficulté 3. Ok. J'ai fait 3 réussites, un déclencheur. T'observes aux alentours. Tu vois rien. Personne. Tu remarques quand même, en plein milieu de la boue, à peine plus loin du feu, plusieurs sacs qui ont été déposés. Des petits sacs. Tu les avais jamais vus jusque là. Je vois le sac et je regarde ce qu'il y a dedans. Tu t'approches, tu regardes à l'intérieur, tu vois qu'ils contiennent des espèces de vieux documents tout mouillés, complètement illisibles. Des affaires de juge, un pantalon de rechange, de la nourriture. Et puis, 2-3 accessoires. Je prends les affaires de lunettes. Je les remue en mode, les gars, je trouvais un truc. Moi, je me rapproche. T'as trouvé quoi? Donc je lui montre les sacs, ils sont à mes pieds. Il y a de la bouffe, il y a des docks, des vêtements de juge. Des vêtements de juge? Ouais, tu vois ce que je suis en train de lui, là. Un sénateur, je précise quand même, c'est un poste de juge. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est juste que, en gros, les sénateurs, c'est partie d'une des filières, on va dire, des juges. T'as regardé s'il y avait un nom quelque part sur des vêtements ou jamais. Je pense que oui, j'ai regardé et je pense qu'il n'y en a pas sinon. Oui, en effet, t'as regardé et non, malheureusement, il n'y avait rien. Si ces vêtements appartiennent bel et bien au sénateur, sa mère n'écrivait pas. C'est dommage parce que ça serait pratique pour le scénario. Sur les étiquettes, pourquoi qu'on lui vole. Non, mais après, tu peux avoir un badge, quelque chose collé. C'est vrai. Mais il n'y a rien. Enfin, genre, non, là, c'est plus des fringues du type. Le seul truc qui aurait pu nous permettre de l'avoir, c'est ces documents, mais ils sont trempés. Donc, soit il y a une rivière pas très loin, soit il pleut et les arbres cachent pas très bien. En gros, on tient quand même malgré tout quelque chose qui pourrait appartenir à Simons. En effet, comme le dit Abby, étant donné que vous vous retrouvez, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la colline et que les arbres sont plus dispersés, il est probable que un orage, et d'ailleurs il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, soit la cause de la destruction des documents. Enfin, destruction. Après, certains sont encore un peu lisibles, mais ce que vous avez à lire n'est vraiment pas important. Alors, je sais pas si... est-ce que le commissaire nous avait donné à peu près l'estimation ils estiment ça fait combien de temps qu'il est dans cette forêt, s'il y est encore. Non, vous avez oublié de poser la question. Ah, on n'a pas posé. Ouais. Mais vu qu'il a dit que la situation était urgente, je doute que ça fait pas 3 semaines qu'il est rentré, quoi. Ok. Je pense que ça fait quelques jours. Oui, c'est ça. Il doit avoir peut-être une journée d'avance sur vous, une journée et demie éventuellement. D'accord. Étant donné qu'on parle d'un petit vieux, vous pouvez supposer également que vous allez plus vite que lui. Bah, voilà, ce que je suppose, c'est que soit il est parti en panique, genre attaqué, un truc du genre. Bon, soit il est mort, il a été emmené. Ou soit il est mort juste à côté. Donc, c'est là, il faudrait qu'on fouille les alentours, voir s'il n'y a pas un cadavre. Et sinon, bah, je pense qu'il s'est juste barré en urgence et qu'il devrait pas être super loin si on se dépêche. Très bien. Après savoir vous décidez de fouiller les alentours, j'imagine. Si j'ai bien compris avant. Dans ce cas-là, on va faire un petit peu comme lors du précédent scénario. C'est que vous allez m'effectuer des tests de. Je pense. Instinct orientation. Non. Non, ça a plus être de la perception en fait. Donc instinct perception, et vous allez me donner vos nombres de réussite, sachant que les déclencheurs qu'on double. Et on va cumuler ça avec tous les membres du groupe. Sachant que il y a un seuil à atteindre si jamais son cadavre se trouve à proximité, on va dire. Réussite, c'est entre 4 et 6, c'est ça? Pardon? Exactement. Ouais, 4 et 6, ouais, c'est ça. Je vais faire les jeux aussi au niveau d'Africain. Mais moi, je sais. Ils sont pas là juste pour. 3 déclencheurs. Ah, 3 déclencheurs, bien sûr. 3 réussites de mon côté. Ok. Alors attends, j'ai noté que ça sera une feuille. Moi, rien du tout. Pas d'échec, pas de. Rien du tout. 3 et les 3 et les 2. On dit ça. Ok. Je sens pas grand chose, Twitch. Bah ouais, mais moi, en gros, je suis pas là pour percevoir quelque chose. Vous voyez, Toré, que. Qui manque de nouveau de se casser la gueule dans la boue, mais cette fois-ci il se rattrape. Mokar, de ton côté. Moi j'ai eu 5 réussites. Oh, très bien. Heureusement que vous êtes là. Hein. Bye. Vous êtes actuellement à 15. Ça fait une heure que vous cherchez, vous avez rien trouvé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réitérer l'opération. Bah ça dépend des autres, c'est-à-dire que si je suis toute seule, je vais pas le faire, mais. Mokosh ? Oui, moi je vais bien regarder encore un peu pour vérifier. Bon, Mokosh a dit oui, alors je lance les. Bon bah écoutez, je relance alors. Mais alors, si pour faire des 3 et des 2. Quelqu'un m'aurait effectué le test. T'as dit qu'un déclencheur ça comptait double, c'est ça? Donc du coup j'ai fait 2, 4, 6, 7 réussites. Ça commence à devenir ouais. Et moi, vous voyez que alors d'un côté on a Torik qui galère complètement à. Mais moi je retombe dans la boue. C'est ça. Torik, toi ton vraiment ton dada c'est les d'avre, mais à côté heureusement qu'il y a Abby qui est là pour assurer. Du coup Mokosh, toi? Moi j'en ai 4 réussites. Oh là là. Torik. Ah mais moi je retombe dans la boue, j'ai fait un 1 encore. D'accord. Donc là, tu m'entends, vous entendez un gars derrière. Oh non, mais. On a peut-être dû laisser Torik un peu dormir cette nuit. Hein. Oh là, c'est pas possible. Je vais juste nettoyer. Actuellement, vous avez fait exactement 15 également. Donc vous passez à 30 réussites. Vous avez élargi le champ fouille. Vous avez trouvé un cadavre. Ok. Du coup, je pense. Toi, Abby, t'as trouvé un endroit où des espèces justement de feuilles un peu écrasées, feuilles mortes, pourraient suggérer qu'en effet quelqu'un serait parti par là. Mais c'est vraiment pas sûr. Et ben, je préviens mes collègues en mode regardons donc ça, et comme c'est la seule piste que je suppose que nous avons. Vous également réitérer l'opération pour fouiller sur un champ plus large. Tout à fait. Ça fait quand même deux Mais heures. Je pense qu'on va pas quand même rester toute la journée. Ouais. Il faut aussi penser que l'heure tourne et que. Enfin, genre. Si on avance que 500 mètres par jour, on risque pas de rentrer très vite. Puis 2 heures de recherche, c'est quand même beaucoup. Ah ouais, ouais. Et... En fait, je pense qu'en 2 heures, enfin, genre, si on estime vraiment qu'on puisse se séparer chacun et qu'on reste pas à côté. Oui, oui, oui, bien sûr. C'est quand même une jolie aire de... Ah, clairement, en 2 heures, à 5, bon, on va dire 4, parce qu'on va pas compter Torik, en effet, vous avez quand même pu créer un rayon relativement. Ouais, je pense que ça fait quand même une jolie aire de fouille et que je pense que s'il est mort, genre à côté, pendant qu'il prenait sa douche, ouais. C'est une image. Hein, donc, s'il y a un seuil que j'ai fixé, je l'ai pas fixé bêtement. Voilà. 250 Voilà, exactement. Genre, il faut 25 heures pour le trouver, non. Donc, c'est vrai que là, à partir de cet instant, ça peut paraître rationnel d'arrêter là. Ouais, ça me paraît complètement logique d'arrêter là, man. Ouais. Au bout de 2 heures, je pense qu'on a fait une jolie surface et que genre ça sera vraiment de la malchance d'être passé juste à côté de ton cadavre. Très bien. Je dis pas que c'est pas possible. Mais... Bah, du coup, je pense qu'on va suivre la piste de Abby. Ouais. Vous reprenez la piste d'Abby et puis vous allez commencer à la suivre. Vous comprenez quand même, globalement, surtout toi, Abby, tu commences à relativement bien te repérer au sein de la forêt que vous êtes toujours pour l'instant en train de suivre la même direction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de rebrousser chemin bêtement. Et ça c'est cool, c'est facile pour se retourner sur la table. Et la marche va continuer. Au bout de quelques heures, vous arrivez à trouver une piste qui vous semble relativement fiable. Plusieurs indices pourraient laisser comprendre que quelqu'un est passé par là. Ça va du. Des regards plus que parler vraiment. C'est ça, vous parlez quasiment plus, vous marchez, vous commencez à replonger justement dans cette ambiance de forêt un peu oppressante. Vous vous demandez presque ce que vous faites là en fait. Pourquoi est-ce que les cultes tiennent tant à ce que vous retrouviez le sénateur Pourquoi vous en particulier? Est-ce que vous auriez pas été mieux à la justicienne dans un bar Ou moi dans une douche. La question, est-ce qu'on serait pas mieux justicienne dans un bar Je pense que la réponse est obligatoirement oui. Voilà quoi. C'est moi et dans une douche, moi. Puis en plus, on serait dans un bar, je pourrais pécho mon coche. Donc. Quoi? Oui, déjà. T'as utilisé mon coche? Mais moi, personnellement, je suis complètement certaine qu'on n'est pas là par hasard. Vous voyez, oui. Moi, je suis pas certaine, mais c'est vrai que quand mon coach le dit, je suis en mode. Mais non, c'est pas faux. Parce que non, j'y crois pas au hasard qu'on est tous les trois au même endroit. Choisis pour nos capacités, mais on n'est pas assez haut dans nos cultes et tout ça, blablabla. C'est-à-dire nos cultes, c'était pas des cultes avec trois personnes. Hein. Ouais, c'est ça. Même si j'accorde parfaitement ce jugement, je précise quand même que selon la version du juge du Oui, la commissaire renommée, mais aux c'est lunettes ce que j'ai rouges, dit au début, faut non, voir. ce que ils vous ont choisi vous trois volontairement. Je sais pas si c'était clair, mais c'est pas un hasard que vous retrouviez tous les trois en mode. Oui, d'accord. Mais en effet, la question de pourquoi vous et pas un autre groupe peut se poser. Là, je vous pose, y a aucun problème. Même si c'est pas tout à fait le même truc, oui, c'est vrai que dans tous les cas, il y a un truc de pourquoi, tu Voilà. vois. Ah, Non, mais oui, ça moi. marche quand même pas, cette excuse. Non, mais c'est vrai que je suis plutôt du côté de Mokosh. Vous reprenez également une discussion avec Aida pour passer le temps. Vous lui parlez de justicienne, de l'épave. Vous lui parlez des missions que vous avez effectuées pour l'instant. De la fois où vous avez monté une espèce de petit complot pour pouvoir à la fois récupérer la récompense du juge et délivrer la fille. Ce genre d'arnaque, quoi. L'air Et lui, il intéressant. semble très intéressé par tout le milieu un peu clandestin. Il dit que si jamais il venait à perdre son boulot, ça pourrait lui plaire de se battre dans une arène, d'entendre la foule qui l'acclame. Et puis de vivre comme un dépravé au sein d'une communauté qui l'est encore plus. Et juste là, toi, Toric, qui ça parle pas vraiment. Mais qu'est-ce que vous racontez? Doré, tout ton Merci. truc, c'est les cadavres. C'est ça, c'est là, Pour putain, l'instant, t'as trouvé t'en ce as aucun. cadavre là, je m'ennuie. Voilà, c'est surtout que je vis un mauvais moment. Personnellement, je suis tout sale. Oh. C'est fou, ce truc de la propreté chez les hospitaliers. L'hospitalier. Je me suis déjà nettoyé une fois. Et là, je suis retombé encore une fois et il faut que je recommence. Pardon. D'ailleurs, Abby, fais-moi un petit jet de perception. Ah, bah bien sûr. Ça tombe bien, c'est déjà que je réussis le mieux. Hein, donc. Ouais, et pour l'instant, c'est le seul jet que je vous fais faire. 2, 3, 4. Allez. Avec une difficulté de 1. Voilà. Deux réussites et aucun déclencheur. Justement, comme ça, en parlant auprès de Toric, tu commences à percevoir ce qui pourrait être presque un début de barbe. Alors, on parle vraiment du début du duvet, hein, le truc il a 2 jours. Mais quand même, il se pourrait que si jamais la mission. Euh, Mais si la mission venait à se perpétuer. ils ont des poils qui poussent. Mais ce serait l'horreur ultime pour moi. Moi, je donne des gros coups de coude à Mokosh en disant, regarde, il y a un début de barbe. J'ai toujours cru qu'ils étaient pas humains. Mais moi aussi. Mais tu crois qu'il va avoir des cheveux qui poussent? Ce serait perturbant. Au bout d'un moment, vous vous asseyez pour faire une pause sur quelques rochers. Et toi, Toric, t'as passé le dernier quart d'heure à entendre Mokosh et Ali discuter dans ton dos. C'est ça, c'est les discussions où tu vois les gens discuter, puis ils te regardent, et après ils recommencent à discuter. C'est vraiment ça. Moi, Et je puis mets la main dans le visage, dans les mains. Ma vie. vous sortez des espèces pareilles de sandwich qui ont dû être faits à la va-vite dans le camp, et vous commencez à les manger. Et toi, à ce moment-là, Théorie, que tu remarques au niveau de ton pied, une espèce de machin blanc qui ressort de la boue. Si, juste avant qu'il réagisse, on est d'accord que si on a trouvé le sac et eu de la nourriture, j'ai proposé qu'on prenne la nourriture. Bien sûr. D'accord. Non, oui, ça me paraît évident, et puis t'as fait des bons jets. C'est-à-dire qu'en fouillant, tu t'es rappelé qu'il y avait la nourriture. D'accord. Du coup, voilà, Toric, tu aperçois une espèce de caillou étonnamment blanc qui sort de la boue. Avec mon pied, justement, je tapote un peu dessus pour essayer de comme, enfin, Tu vois que même ça pas bouge un comme peu, comme si c'était un bâton enfoncé dans la terre. du coup, ben, je au début, c'était juste pour tapoter comme ça un peu par dépit, tu vois. Par... Puis, vu que je vois que ça commence un peu à bouger, par curiosité, tu vois, je commence à gratter avec mon pied toujours la terre pour dégager la partie de. Et tu Pour comprends assez découvrir. rapidement qu'il s'agit là d'un os. Alors du coup mon regard s'illumine, un os, mais Un quel mort. os? Du coup Oui, elle est mort. je me baisse et j'attrape l'os en question pour essayer de savoir à quel animal ça appartient. Tu le sais très bien, c'est un sapien. Ouais. Tu Bah sors attends, l'os et en oui. effet, assez logiquement, tu te rends compte qu'il s'agit là d'un os humain. Mais trop vieux pour appartenir à soit au sénateur, soit à notre ami, enfin à votre ami Oui, enfin, genre en disparu. quelques jours, ils respectent les eaux, j'espère, parce que sinon j'ai peur de la créature qui vit ici. Bah du coup quand même parce que c'est la première chose sympa que je trouve depuis le début, je me pousse un peu de la scène et j'essaie de voir s'il y en a pas d'autres. Tu commences à gratter un peu autour, tu tues justement l'os que tu as trouvé, non, tu trouves rien d'autre. Donc il y en a un seul, il y avait juste un os. Est-ce que c'est Un quelle seul. partie? Un fémur. Un fémur. Et là, je regarde tout le monde, je fais, hey, regardez, j'ai trouvé un fémur. Vous voyez pas souvent Truc. rigoler, vous me voyez pas souvent Ouais. sourire, mais là, je sens un sourire. Un fémur. Est toujours aussi Et je bizarre. regarde Un avec fémur les de yeux femme, a priori. brillants, les yeux brillants, et je fais, et du coup, je dis, mais ah bah, en plus, c'est un fémur de femme. Sympa. Vous pouvez pas regarder autour si vous en avez pas d'autres, par hasard? regarde vite fait, genre sous mes pieds, etc. S'il n'y a pas un os qui dépasse. Vous regardez un peu autour, non, vous de votre côté, vous ne trouvez rien. Tu l'as trouvé où? Ben là, juste à côté, je tapais dedans au début, On peut creuser un puis peu, voilà. non? Genre Bah à la main, en n'ira pas plus loin, mais. j'ai gratté un petit peu, mais a priori, il n'y a rien. Oh, c'est peut-être une bête qui l'a ramené ici, qui l'a laissé là. Dommage, j'aurais bien aimé y trouver le reste, mais tant pis. D'accord, Vous bah voyez écoutez. Aïda et Iwan qui regardent Torik du coin de l'œil. Ils ont été touchés à leur sandwich depuis qu'il a commencé à parler. Et tu penses que ça vient de notre cible ou ça vient de... Oh non, non, là c'est clairement trop vieux, hein. Ça dépasse. C'est ni leur ami, ni le sénateur, hein. C'est bien plus vieux. Ah ok, c'est une personne OSEF, on s'en fiche. Oui, voilà, c'est pour ça. Enfin, moi après, ça me fait toujours plaisir, hein. Vous savez Après, très vu que c'est bien. une forêt, apparemment, mais il est pas censé avoir beaucoup de gens, je crois, dans cette forêt. Les autres là nous ont dit hier que personne n'est venu ici depuis ça. Bon. Oui, enfin, elle est Oui, mais. maudite, donc faut bien qu'il y ait des gens qui meurent pour qu'elle devienne maudite. Ouais, mais C'est bon. ça, ouais. A priori, les seules personnes qui viennent sont en effet, genre, les déserteurs ou les criminels ou les mecs qui ont tellement de dettes qu'ils se retrouvent obligés de fuir à l'intérieur et qui tentent de la traverser pour qu'on perde leurs traces. Et qui n'en ressortent jamais. Oui. Bon. Vous finissez de manger, et puis encore une fois, vous reprenez la route. Vous commencez sincèrement à en avoir marre comme ça de marcher, sans rien d'autre avoir à faire à l'intérieur de cette forêt complètement vide. C'est-à-dire que, à part les petits insectes, que vous trouvez ici et là, y a rien. Ça va faire maintenant quasiment 3-4 heures que vous avez repris la traque. Vous commencez vraiment à fatiguer, ça commence à devenir éprouvant. Et puis, la nuit commence à tomber à nouveau. Vous avez suivi des pistes, vous êtes à peu près sûr que vous allez pas tarder à les rattraper, peut-être. Aucune nouvelle de votre compagnon disparu. Aucune nouvelle trace du sénateur. Vous avez rebroussé plusieurs fois chemin, parfois même sur plusieurs centaines de mètres, mais finalement, vous vous êtes redirigé vers ce qui semble être la piste la plus probable. C'est alors que, réunis entre trois arbres, vous entendez, à quelques mètres de vous, un cri qui retentit à travers les arbres, à travers la forêt. Je saisis mon truc harpon et je regarde dans la direction en mode... Clairement, le cri n'était pas humain. C'était beaucoup trop puissant et beaucoup trop aigu pour qu'il puisse être poussé par une personne. Vous êtes figé instantanément, vous sentez vos poils se hérisser dans votre dos. C'était un cri glacial, un peu guttural et à la fois qui portait étonnamment. Bah, tout de suite, je regarde mon mollusque. Je regarde ton mollusque. Tu vois ton mollusque complètement immobile. Ouf. Mais de quoi ouf? Bah c'est pas, cool, ouais. c'en est pas un déjà, croyez-moi, c'est déjà bien. Vous voyez, à côté, Aiden, qui est pas bien du tout. Il empoigne également son lance-harpon. Vous moi, avez entendu ça? Et j'essaie de marcher genre très doucement, en espérant que quelqu'un va me suivre dans la marche. Si au bout de 4-5 pas, je vois que personne me suit, je m'arrête, hein. Très bien. Je suis pas con non plus, je vais pas y aller seul. Mais... Bah, moi je vais sortir mon espadon et suivre Abby. Ok, vous commencez à marcher. D'un coup, le cri retentit à nouveau. Cette fois-ci, ailleurs, comme si la chose vous tournait autour. Elle est beaucoup plus proche. Vous entendez un harpon qui se tire, mais qui va se planter dans un arbre juste derrière vous. On tourne la tête, enfin, je tourne la tête pas. Il s'agit oui, bien oui. Évidemment de l'un des deux, oui. De votre Iwan qui a paniqué. Qu'est-ce que t'as vu Je sais pas, il y a un truc qui bouge là. Le cri qui retentit à nouveau, mais cette fois-ci derrière vous. Putain. Il veut se battre. On se retourne. Je me retourne encore. J'essaie d'observer les environs et Iwan qui tente de remonter la corde de son harpon, mais le harpon qui est bloqué dans l'arbre. Torik, va l'aider à décrocher, et Mokosh, on se fait dos à dos, comme ça, normalement, on couvre un bon champ de 180 degrés. Ok. Bah du coup, je vais l'aider, et en tout en allant l'aider, je regarde... Vous entendez les bruits de pas qui vous tournent autour. Mon mollusque bouge toujours pas? Non, ça se précipite à travers les branches. Le cri retentit une troisième fois. Une quatrième. J'aide à retirer son harpon. Est-ce que si tu vois, tu commences à essayer de l'aider. Fais-moi un test de force. Enfin, physique, force. Attends, alors, physique. Alors, c'est quoi? C'est dans body, force. Ouais, hein. Body, force. C'est vrai qu'il faudrait que je vous donne les compétences en anglais, ce sera plus pratique. Putain, rien du tout. J'ai aucune. Ok, tu vois, t'essayer de l'aider, mais le harpon est trop profondément planté dans l'arbre. Oui. Une seconde. Les succès, c'est genre c'est au-delà de 3, c'est ça hein? C'est ça. Oui, 4 succès. Bah, autant pour moi, j'en ai fait 2. Au-delà de 3. Ok, c'est pas suffisant. Iwan, pris de panique, il lâche le harpon et tu vois qu'il commence à partir en cours. Mais putain, Iwan, quelle merde! Mais reste ici. Mais. Il y a Heidi à côté qui essaie de l'arrêter. Iwan, arrête! Reviens! Et puis il commence à partir à la poursuite de son pote. Mais toi, il vient nous aider à couvrir un cercle. Bah, je laisse tomber, je vais retrouver Mokosh et Abby. Tu te retournes vers qui, Torik? Je me retourne. Bah écoute, je me mets à dos, enfin de dos. Ok, tu te mets à dos. Vous êtes tous les trois là, réunis au milieu des arbres. Vous entendez la chose qui vous tourne autour, vous n'avez pas à la voir à travers les branchages. Et puis d'un coup, elle s'arrête. Et elle commence à se rapprocher de vous. Vous entendez comme une espèce de souffle. Et puis, les bruits à travers les branchages. Quelque chose se déplace. C'est plus proche de qui, Bokosh, moi ou Torik? C'est à peu près à égale distance, j'imagine que c'était dos à dos. Disons qu'elle est du côté pas. De Mokosh. Mokosh. Si jamais on meurt, on a été mon meilleur coup. C'était de la carrette. Et moi je donne des coups de coude en disant mais c'est pas le moment de parler de sa mère. On va crever. Mais bah justement son crève. Le cri retentit une dernière fois. Vous sentez qu'elle est juste à quelques mètres. D'ici une seconde ou deux, elle sera sortie des. Ok. Bah, des fourrures. Enfin, genre, moi je me tourne peut-être genre de quelques degrés histoire d'être dans la même direction. Très bien, ouais. Tu tournes légèrement pour t'apprêter à faire face à la créature. Moi je tourne mon dilacérateur, mais. Ton dilacérateur. En fait. Pointe vers l'avant en fait. Tu le pointes vers l'avant. Ouais. Et puis plus rien. Putain, mais quelle salope! Rien. Rien ne se passe. Vous imaginiez qu'elle allait bondir comme ça d'un coup. Y a pas une branche, un caillou, un truc comme ça pour jeter dans les buissons? Si t'arrives, tu ramasses un caillou juste à côté de toi? Je demande okay. Du coup à Bokosh et à Torik en montrant le caillou, genre sans parler, tu vois, genre d'un coup un signe de tête en montrant le caillou. Ok. Tu fais un signe de tête. Mokosh, t'empoignes le caillou et tu le jettes. Ouais. Aucune réaction. Au moins, ça vient, je crois. Alors, je pense que pour l'instant, on n'a pas trop le choix. On va rester comme ça parce que si elle est en mode chasseur, elle peut très bien attendre le moment où on va faiblir pour au taper. Loin, vous entendez Aiden qui crie. À l'aide! Putain. On y va? On y va tous en mode dos à dos, c'est en mode. On reste en triangle. En soi, vous pourriez garder quelqu'un pour fermer la marche. Bah, il faut surveiller nos arrières, de toute façon. Il faut à la limite, moi j'ai une arme de distance, un harpon. Je sais pas si vous avez des armes de distance, mais du coup, ça va être genre. J'ai mon fusil. Il reste un harpon planté dans l'arbre, si vous voulez. Ouais, mais bon, on n'a pas que ça à faire, je crois. J'ai toujours mon fusil à fongicide avec 10 cartouches de poussière de feu. Hein. Bah, à la limite, tu fermes la marche, tu te mets devant nous et nous, on t'escorte en avançant. Ok. Ouais, on avance. Vous entamez votre formation. Je range mon dilacérateur, je le mets dans le dos, hein, et puis je chope le fusil à fongicide, je le charge, prêt à tirer. Et je pointe en direction de l'arrière en fait. Très bien, vous pointez de l'arrière et vous vous déplacez. Au bout de quelques mètres, vous voyez Heidi, il est à genoux. Juste en face de lui, un trou. Comme s'il avait été creusé dans le sol. Il est tombé en bas! Comment ça il est tombé en bas? Merde, attends, ça veut dire qu'il y a des pièges dans cette forêt ou? En effet, en te rapprochant un peu plus près, tu vois un trou de 3 mètres qui devait être recouvert de branchages et éventuellement de feuilles avec tout en bas, Iwan, une espèce de pieu planté en plein milieu du torse. Oh, oui, il est mort. On va. Ça sert à rien de descendre d'aller le chercher, je crois, Heidi. Désolé. Putain. Mais clairement, je pense que c'est ce qu'elle cherchait à faire. Elle cherche à nous séparer pour mieux. Oui, alors. Puis quand ça creuse des trous, une putain de bête. C'est ce que j'allais dire. Je le vois qui empoigne son lance-harpon et puis qui commence à faire des tours sur lui-même. Ouais, enfin, de toute façon, au pire, ça peut être quoi? Ça peut être soit quelqu'un essaye d'échapper à la bête et à creuser des pièges. Pour essayer de la quelqu'un qui échappe à la bête qui fait un trou de 3 mètres, ça prend du temps entre nous et qui met des piques. Oui, mais il peut y avoir très. On sait pas ce qu'il y a dans cette forêt, il peut très bien abriter une peuplade, des gens qui sont c'est là que depuis c'est plus longtemps c'est que nous. On s'est fait nuit. Vous voyez vraiment de moins en moins une espèce de brouillard s'est levé. Faut qu'on fasse un feu. C'est une journée de merde, non? Faut faire un feu, hein, dire au moins si C'est c'est. sûr que. Si c'est. Ah, tu me diras, un feu dans le brouillard, je suis pas sûr que ça fasse. Non, mais au pire, ça peut toujours faire fuir la bête. Pour Non, mais ce l'instant, que je disais, c'est l'instinct genre, c'est sauvage. que du feu, ça peut nous faire opérer, mais je pense que dans un brouillard, le mec va pas vraiment voir de loin la différence entre du brouillard et de la fumée de. En Ouais. effet. On peut faire un feu, je pense. Et peut-être pas à côté du cadavre encore frais. Hein. On pourrait Ouais, se surtout dégager un peu. qu'il. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il vous entend. Il aimerait avoir la force de supplier, mais. Ah, mais il est pas mort. Allez, ah, Il est encore conscient. Enfin. non. Ah, bah, je croyais qu'il était mort. Ah non, il Merde. bouge légèrement. Tu veux que je Mais t'aide? il est clairement foutu, mais. Oui, non, mais Tu moi, veux quand que je dis je qu'il était t'aide? mort, je suis désolé, c'était en mode. Il est mort, pas en Ah mode. Oh, il va non, crever. Merde. Devant lui, c'est l'horreur. Oh. L'horreur ultime. Oui, non, mais Tu veux merde. que je t'aide? Quoi? À la limite, si tu peux. Non, en vrai, non, c'est pas con. En vrai, si tu peux l'achever pour éviter qu'il souffre des heures comme ça, peut-être mieux. Mais je peux le faire, oui, effectivement. Ah, attends, si t'as Tu des sais qu'il munitions faut. limitées, je peux. Ah ouais, mais non, c'est dégueulasse. Non, non, non, non, je ne veux Après, pas ces utiliser munitions, pour de. rappel, c'est une espèce de lance-flamme. Hein. Ah oui, Non, non, je ne veux Parce pas. que Je le ne veux brûle est vivant pas. pour Je ne abréger veux ses pas. souffrances. Ah Je oui, ne non, veux mais. pas. En fait, à Comment combien tu peux le tuer à de. distance? Sa tête, elle est à combien de mètres de la surface? Vu qu'il est à peu près sur le dos, elle doit être à 2 mètres, même pas. 1 mètre et demi, peut-être. Et mon Oh, dilacérateur, non, il mais fait quand même 2 combien de mètres, quand long? même 2 mètres. Pardon? Et mon dilacérateur, il fait combien de long? Tu pourrais, ouais, tenter de. Mais bon, une tête, c'est pas non plus facile à. Non, mais je veux Oups, dire, à bout, quoi. en disant Mais dans que l'idée, ouais, tu pourrais le toucher avec. mon bras plus la Oui. Oui, longueur fait que, logiquement, si non, mais. c'est à 1,5 m, je peux lui planter mon dilacérateur dans la tronche. Ouais, mais ça Ouais. va pas le tuer sur le coup de le. Alors, on est là Hein? pour Un abaisser. dilacérateur, une pointe de dilacérateur en pleine Ça va juste lui dans lacérer Bon, le visage, je vais mais. tirer avec mon harpon, hein. Hein, c'est bon? Ça va? Ouais, ça va aller comme ça. Hein? On va faire ça. Non, parce que la Bon bah, souffrance pour achever les gens. t'as intérêt à faire un bon jet, hein. Faudrait pas le faire souffrir. Mais qu'est-ce qu'un jet, Auric? De quoi faire en dessus? Qu'est-ce que tu veux me dire? Soit. Agilité, arme à projectile. Sachant que je vais te donner dès maintenant les stats du lance-harpon. Ah, oui. Je vais te le donner à l'oral, attends. Alors. Je retrouve juste ma petite page. Voilà. Et en même temps, si moi je fais un jet, Alors, bon pour ça te ça donne va. un malus de maniabilité de moins 2 dés. Ça fait 8 dégâts. Et c'est tout ce qui est intéressant de savoir pour l'instant. Ok. Bah du coup, ouais, c'est vraiment un gros truc alors, si ça. Oui, quand même, ouais. Ah oui. Même si je pense qu'on peut passer le malus à moins 1 dé parce que tu prends là largement ton temps à Ouais, visé, je suis pas dans viser, c'est l'expertise ça, on n'est pas dans concernant la la créature, précipitation. quoi. En fait, non, je pense même, on peut carrément annuler le malus parce qu'en fait il est immobile, il n'y a aucune précipitation. Oui, c'est Ok. même pas un combat, c'était une mise à mort, donc. Oui, c'est ça, donc. Très bien. Parce que bah, là, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai que 3 dés, donc je sais pas combien est de la difficulté, mais. Vas-y. J'ai que 3 d'agilité, j'ai 0 en projectile. Du coup, j'ai lancé 3 dés et j'ai fait 2 réussites, dont un déclencheur. Oui, ça passe. C'est ça. Tu tires d'un coup sec, le harpon se plante au niveau de son crâne. Clairement, ça le tue sur le coup. Je lui dis désolé avant de tirer. Tu lui dis désolé avant de tirer. Moi, entre-temps, j'avais un peu à amener sa copine là, enfin son copain là, ou je sais pas si c'est une femme ou un homme là qui Son reste père. avec nous là. Aïda. Aïda, c'est une femme. Non, Donc c'est un homme. c'est un homme. Bon, bah, Aïda, Avec un boucle. ok. C'est une femme à barbe. Alors, donc son collègue, je l'ai légèrement amené en retrait pour pas qu'il voit forcément ça. Ouais. Après, tu sens que c'est des fléaux pour la mort, c'est presque une routine. Ouais, enfin, vu comment il a déguerpi, Je pense pas que ce soit non plus un. C'est l'autre qui a dégarpi. C'est sûrement celui qui vient de tomber dans le piège. Ouais, mais bon. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus. Il est plus fragile que l'autre, hein. C'est ça. Après, son frère venait de disparaître. Oui, il peut être plus fragile. Pendant ce temps, j'imagine que Mokosh t'a allumé le feu. Un petit peu plus loin quand même pour pas rester. même le cadavre. Il faisait des merguez. En te déplaçant, tu prends garde à ne pas déclencher d'autres pièges, mais pour l'instant, vous n'avez rien trouvé de similaire. Ça, c'est horrible qu'il y ait des pièges, ça me stresse. Attends, on est dans une forêt impénétrable et justement, et, elle est impénétrable. Pourquoi il y a des pièges au milieu? La nature ne fait pas des pièges naturellement, hein. En même temps, que crois-tu? Pourquoi on n'a jamais revu quelqu'un qui est rentré? Et au détour d'un arbre, Mokosh, tu tombes sur une espèce de comment dire, de grande colline. Presque une mini falaise. Ah bah c'est trop cool, ça a l'air d'être un endroit bien pour se poser. Clairement, c'est du coup vous seriez à l'abri, vous auriez que trois pans à défendre. Du coup je vais chercher les gens, histoire de pas gueuler à travers la forêt. Hein. Ok. Tu vas aller chercher et vous retournez là-bas. Vous asseyez justement un peu contre, si je peux dire, le mur. Ouais. Le pan naturel, justement, en pierre. Vous allumez votre feu et puis vous commencez à vous réchauffer. Vous savez quasiment plus où vous êtes. Bah là, du coup, oui, puisqu'on a arrêté de faire les croix sur les marques sur les arbres. Non, mais on va courir n'importe comment. On devrait pouvoir retrouver notre chemin, là, n'est pas le souci, mais. Comment on est censé retrouver un mec dans une forêt, c'est... Ouais, sachant qu'on meurt tous petit à petit. Ouais. Vous auriez pas eu des problèmes avec votre hiérarchie, vous, par hasard? Une bonne question, ça, c'est vrai. Vous avez eu des problèmes avec votre hiérarchie? Bah, on s'était un peu foiré récemment, mais... Foiré comment? Bah, vous voyez quand je vous parlais des arènes et tout. Ouais. Bah, disons que je me pose vraiment la question, est-ce que ce serait pas intéressant de quitter tout ça pour... Il s'est bien foiré. D'accord. Ouais, mais je pense que ça confirme le fait que c'est un abattoir, une mission. Ouais, une mission suicide. Ouais, une mission suicide, totalement, ouais. Tu penses à ça? Ouais. Peut-être pas quand même, hein. Enfin, je veux dire, ça serait un peu... On est une espèce d'escadron suicidé. Je veux dire, en soi, si vous avez raté et que, enfin, sans doter notre vie, mais nous aussi on a eu quelques problèmes avec la hiérarchie, si ce n'est Mokosh, je ne sais pas vraiment pourquoi. Sinon. Parce que je fais des jaloux. Ah, c'est vrai. Là, c'est vrai que, mis à part ça, je vois pas. Puis, clairement, on pourra prendre le temps d'en discuter. Oui, oui. Je vous propose qu'on essaie de se tirer d'ici. Enfin, la question est, si vraiment vous pensez qu'on est dans une espèce de mission suicide, est-ce qu'on continue d'essayer de choper le déserteur? Personnellement, je m'en fous. Enfin, genre qu'on essaye ou pas. Bah, disons que, quelque part, s'il est vrai que c'est une mission suicide... Et que par le plus grand des hasards et par le voilà, qu'on arrivait à la remplir, on passerait de quelque part de rebut, enfin de à vraiment on prendrait un tout autre statut parce que là il serait obligé forcément de voir notre valeur. Ouais, mais du coup, vous trouvez pas ça un peu gros cette histoire de je sais pas. Ah, tu penses bête. que ce serait vraiment... D'un côté, on a vraiment trouvé des affaires à lui. Enfin, à lui, on supposait à lui. Mais... C'est vrai. Ça m'étonnerait qu'il soit parti aussi loin, parce que c'était pas non plus à l'entrée. Mettre en plein milieu nulle part ces affaires-là et partir après, enfin, je sais pas. Écoutez, Comment vous l'avez fait fuir? Comment ça? Elle est partie d'elle-même, a priori. Oui, on n'a rien fait, malheureusement. D'accord. On l'attendait de pied ferme, mais... Parce que votre ami, il était poursuivi ou il est vraiment tombé dans le piège tout seul? Je sais pas, je l'ai poursuivi et puis au bout d'un moment, je suis tombé au niveau de ce trou dans le sol. Et quand j'ai regardé, il était dedans. Parce que J'étais juste derrière lui, bizarrement, hein. Si on l'avait poussé, je l'aurais vu. on a entendu. C'est quand on vous a entendu qu'on a pu entendre du coup cette bête. Alors est-ce que c'est lié ou pas, je sais pas. Ouais, genre, vous pensez que c'est une espèce de machination? C'est pas, y a pas une bête, y a juste des types? Pas En forcément, vrai, mais. non, mais l'idée m'a traversé que, enfin, je ne sais pas comment ils arriveraient à produire de tels sons, mais qu'en gros, leur but était de nous faire peur pour qu'on tombe dans le piège. Genre, il n'y aurait pas vraiment une vraie créature, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des intermittents dans le spectacle, quelque chose du genre, mais. Bah, clairement, Tu vois qu'il rigole un coup. si. Non, mais clairement, il faut Non, mais. imaginer que pour la bête, quand on était en formation, le seul moyen c'était d'attaquer, quoi, si elle voulait Oui. nous avoir. Et Et que là, vu c'est qu'on quand même bougeait un plus. putain d'hasard qu'il y ait un piège à genre 50 mètres de là où la créature attaque, quoi. Au moment où vous dites ça, vous parlez de la bête qui serait qu'une simple machination ou autre, Moka, je te remarque un peu plus loin sur le coin au niveau de chemin de la falaise, qu'en plein milieu du brouillard, il y a une silhouette qui se dessine. Une silhouette qui fait bien plus de 2 mètres. Ok, danger. Elle est là, fixement, en train de vous regarder. Dans le brouillard. Donc En on la plein voit milieu pas du brouillard. distinctement. Non, vous voyez juste la silhouette. Je... Et elle aussi doit, a priori, à peine vous voir. Elle est droite, redressée sur elle-même. Okay. On peut faire pareil pour essayer de l'impressionner. Ouais, moi je me redresse lentement avec Tu te redresses mon lentement. espadon à la main. Ouais. Tu Pareil vois, tu avec bouges pas. genre le gros truc, même si en vrai je sais pas l'utiliser, le gros Le arc. lance-harpon. Ouais, mais de loin ça doit faire impressionnant. Vous voyez Aïda, pareil. Il récupère son lance-harpon. Il a compris ce que vous venez de voir. Ben, Et moi il y a j'ai là, cette juste. chose qui vous observe. Moi ce que j'aimerais, c'est savoir. Alors, du coup, tu nous dis tu sais que en soi, on sait pas trop si elle nous a vus aussi, enfin ou pas, ou si elle nous a Elle est clairement. droite. Et elle vous fixe. Sans un mouvement. Moi justement, je vais faire le contraire des autres. Et je vais essayer de m'aplatir justement au cas où, si jamais elle nous avait pas vus. Ok. J'ai essayé de voir si je peux pas essayer de voir par la suite distinctement ce que c'est, parce qu'on sait, on sait pas en fait ce que c'est, on voit pas, Non, on voit rien. ça ressemblerait presque à un humain, mais beaucoup plus Dommage. grand, qui porterait peut-être une cape, ou alors c'était peut-être des ailes, tu sais pas. Oui, c'est dans le brouillard quoi, en plus on voit pas bien quoi. Donc du Bah coup, non, mais tu moi mets à justement, même le sol, je pour me mets encore à même plus le sol. tacher ta tenue de terre. Bah, de toute façon, maintenant je suis tout crade, alors bah non, on y va, T'es hein. plus à On ça près. termine, hein. Ouais. Moi, tant qu'il n'y a pas de bruit ou tant qu'il n'y a pas de mouvement, je Oh, reste figé. pareil. Oh, c'est Ok. genre, regarde dans le vide et tu bouges plus, Vous quoi. restez là à l'observer. Il craquera avant nous. Aucun mouvement des deux côtés. Il craquera avant nous. Vous entendez Forcer le juste jeu du respirer. regard. Ah non, c'est Vraiment. ça, hein. C'est genre, s'il faut attendre 4 heures, j'attends 4 heures. Vous le jugez du regard. Hein. Faites-moi un jet de regard. Rien ne se passe. Elle nous surplombe. Enfin, elle est en hauteur par rapport à nous. Non, ben on a Non, à peu été. près au même niveau, au niveau du sol. Et en distance, et si on devait te donner une distance, ce serait combien? Peut-être une quinzaine de mètres. Alors, alors on est bien d'accord que vous, donc que ce soit Abby, Mokosh et Aïda, je ne me rappelle jamais son prénom. Ça, c'est Aïda, ouais. Aïda. Oui, j'ai dû faire l'erreur de l'appeler Heidi pendant quelques fois, mais on parle pas de la petite fille dans la colline. Vous êtes vos armes à la main, braquées dans sa direction. Ah non, les armes sont pas braquées, c'est juste qu'on les a en main en mode. Oui, ça, on est en mode intimidation. Ok, et du coup, est-ce que. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est. Est-ce que je peux discrètement avancer vers elle en mode. Tu sais, le gars qui rampe par terre là. Ok. mais tu commences très lentement, pour essayer de faire le moins de bruit possible. Tu vas me faire un test d'agilité furtivité. Me donner ton nombre de réussite. Ça s'est rembroché par des griffes. Ah, tellement. Ça va être très marrant. Alors, attends, furtivité, c'est quoi ça? C'est mobilité? C'est quoi? Ouais. Je sais même pas. Agilité, furtivité. Ah oui, donc c'est. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai. Je pensais aller dire en anglais. Agility. Ou stealth. Ouais, je pense que ça va être stealth. Oui, c'est ça, c'est stealth. Oui, ça veut dire. Ouais. Tu vas m'aider, de toute façon. Ok. Ok. Ok, donc j'ai fait 3 succès, dont un déclencheur, mais avec un 1 aussi. Ok. Si nous étions actuellement réunis à une table, vous auriez remarqué que j'ai fait sur 6 dés, 6 succès et 3 déclencheurs. Oh, putain. C'est pas une blague. Pourtant, lorsque tu t'approches, rien ne se passe. Tu avances lentement, aucune réaction. Il va te tuer, il y a un piège à côté de lui. Donc en gros, c'est quoi? C'est que là, la masse est toujours droite. C'est ça, tu distingues un petit peu mieux cette masse qui ne bouge pas. Elle fait au moins 2m20, peut-être 2m30. Et est-ce que je peux essayer de voir si ça a l'air d'être vivant ou si ça a l'air d'être un mannequin, genre posé comme ça dans... Comment est-ce que tu veux faire ça? En jetant une pierre? Non, mais alors, est-ce que... Ouais, mais en même temps, est-ce que je me suis éloigné loin des autres ou pas déjà, là? J'ai fait combien de distance? Non, pas tant que ça. Ramper, c'est... On va dire que t'as avancé d'un petit mètre. Ce qui est déjà pas mal. Pas beaucoup. Hein. Bah écoute, je vais continuer d'avancer, hein. Ma foi, Enfin, clairement, là, ils voient exactement pareil que nous, hein, maître. Bah, oui, quasiment, ouais, ça, c'est vraiment... Bah je vais avancer, hein. Continue, ma foi. De toute façon, en même temps, je me dis que les autres, de toute façon, ils sont là, donc si jamais ça bouge... Continue d'avancer. Bah, de toute façon, tu sais, là, il doit être à au moins une bonne centaine de mètres, donc s'il doit te faire quelque chose... Quinzaine de mètres. Mais non, il m'a dit quinzaine. Quinze oui, mètres, j'ai dit il quinzaine. Dit. Quinzaine de mètres, on... Ah oui, c'est chaud. Genre, il est vraiment très proche, du coup. Bah c'est pour ça, je veux dire, quand même, ouais. 15 mètres, c'est à peu près la taille d'un immeuble de 5 étages, 5 ou 6. Non, mais tu vois, je me dis, de toute façon, si il venait à bouger, j'ai toujours les 3 qui sont derrière moi et qui peuvent attaquer. Ou... C'est vrai, mais tu restes dans la position défavorable. Ah bah oui, mais enfin, à un moment donné, il faut faire quelque chose, on peut pas non plus rien faire. Tu t'es rapproché encore un peu plus. Est-ce que tu veux tenter un jet de perception pour tenter de... Essayer de perception, ouais. Très bien, vas-y. Alors, j'ai 3 succès, un déclencheur et un 1. Très bien. Tu remarques en effet que la silhouette est complètement immobile. Hormis cette espèce de cape qui bouge légèrement, sans doute à cause du vent. Bah du coup j'aimerais, je suis vraiment intrigué, je me dis est-ce que c'est pas un mannequin quoi? Est-ce qu'ils nous ont pas foutu un truc genre imposant pour faire une masse Du coup je serais bien, je vais avancer encore hein, ma foi. Tu continues d'avancer. Net, hein. Et tu te rends compte que la silhouette est celle d'un homme robot. Quoi? D'un homme robot? C'est clairement une machine. Tu continues t'approcher, mais ces dernières semblent complètement inanimées. Ok. Donc là, maintenant, distinctement, je vois un homme robot et qui a l'air complètement inanimé. Qui est en mode éteint, quoi. C'est ça, t'es juste devant. Parce que là, je me dis, je vais pas non plus faire de bruit parce que ça pourrait très bien activer si je fais quelque chose. Bah écoute, je vais refaire le chemin inverse dans la même manière pour pas prendre de risques. Très bien, tu retournes et au je niveau vais des retourner autres. voir les autres, ouais, et puis je vais leur dire ce que j'ai vu. Vous voyez Torek qui fait un aller-retour au niveau de la créature. Puis qui retourne à votre niveau, tout en rampant. Il est couvert de terre. Du coup, tu me dis quand je suis arrivé à eux, hein. Ça y est. Quand je suis à... Du coup, je viens de voir ce que c'est. C'est un robot, un homme robot qui a l'air Faites-moi chacun complètement. un jet d'intellect légende. Ça sert à rien, j'ai qu'un dé. Pour Torek, c'est complètement naturel, mais pour nous, on connaît pas. légende. Okay. J'ai pas réussi parce que j'ai qu'un dé. J'ai un succès. Ouais, enfin, un succès qui est un déclencheur en même temps. Alors j'ai un déclencheur, mais 2-1. T'as fait un échec critique, je crois. Je ne connais pas cette bête. En effet. Mais pour le coup, je veux pas vraiment. À part faire un AVC. comment réfléchir pour. Non. Vous n'avez clairement jamais entendu parler d'un robot. Rien que le fait de le dire, ça vous semble complètement débile. Parce que le concept de robot déjà est clairement défini. Fin... Enfin, ou alors moi je peux très bien dire, oui, ce que j'ai vu, c'est comme un pantin mécanique, quoi. Enfin, quelque chose en pantin fer. Pantin mécanique, en effet, ça semble plus. Voilà, en gros, voilà, je leur dis, je sais pas, ça a l'air d'être un pantin mécanique, mais il a pas l'air de bouger. C'est inanimé. C'est chelou, c'est quoi ce truc? Ben je sais pas, mais bon, je pense qu'il faut quand même se méfier parce que bon, on connaît pas tout, on sait pas tout. Je demande à Eda si il a déjà vu ce genre de choses. Non. Non. Mais bon, en tout cas, ça confirme que même si c'était une machination contre nous, il y a quand même quelque chose dans cette forêt de bizarre. Oui. Je n'y comprends plus rien. En tout cas, ça n'a pas l'air de bouger. Moi, de toute ma présence, je fais un pas en avant. Genre en mode, je suis là. Tu fais un pas en avant. Rien ne se passe. Est-ce que vous voulez qu'on aille, qu'on prenne le oui, risque il faut qu'on en fasse quelque chose, jusqu'à de toute cette façon, chose? Si on doit, genre, camper ici, on va pas essayer ce truc-là, quoi que ce soit. Ici, enfin, genre comme ça, en mode... Ben, si vous voulez, on peut y aller en mode oui, tranquille, va, c'est bon. sur nos gardes, et puis on verra bien. Si t'as dit qu'il était inanimé, moi je te fais confiance, on y va, je sais pas ce que c'est, de toute façon, je sais. Bah moi non plus, mais... Quand vous dites on y va, vous voulez dire vers la machine, ou vous voulez vous mais en donner bien sûr. Bah il faut... Si on veut camper ici, il va falloir voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ça se détruit, un truc du genre, on va pas ça, dormir. On en fait. Enfin, ça fait sinon comme on peut si très bien se casser, hein. On peut se réparer aussi. Hein. C'est pas non mais c'est ça, enfin, genre, je pense qu'on va donner des gros coups d'épée dedans et... Très bien. Ouais, non, mais... Oui, voilà. On va prendre notre respiration, on va s'approcher, prêt à le tabasser, si ça c'est bouge. Ça. Exactement. Vous vous approchez. Aucune réaction. Mais du coup, est-ce qu'on peut, je peux donner un petit king king, un petit coup de poing dedans, genre pour faire un toc toc quoi. Tu donnes un petit coup de poing dedans. D'un coup, non rien. Venez les gars, on détruit ce truc. J'ai eu une goutte qui a perlé sur mon front là, d'un coup, tu sais. Bon, venez, mais on, non, genre, aucune on réaction. Contre lui. Genre on est. Est-ce 5, qu'il y a 4, je sais, attends. 4 4 maintenant. Et ben, ça ressemble à quoi du coup clairement maintenant qu'on est collé contre? Alors. Maintenant que vous êtes collé contre, vous voyez, comme je disais, une machine qui fait bien 2m30 de haut. Elle est elle possède une espèce de petit capuchon qui finit en cape. Ce qui fait que de loin on a du mal à distinguer sa silhouette. Elle semble extrêmement bien construite. De part et d'autre de son corps, vous voyez des espèces de fils, de câbles qui ont l'air de passer. Elle a l'air aussi. Elle est vraiment dans un état abîmé. Elle a l'air vieille. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir bougé depuis longtemps? Enfin, de ne pas avoir bougé depuis longtemps. La mousse sur elle ou. Tu commences à, justement à baisser les yeux au niveau des jambes et en effet. Il serait fort probable qu'elle ne se soit pas déplacée depuis un bon bout de temps. Est-ce que ce serait pas un vestige de l'histoire? Je sais pas, c'est flippant, sinon on l'a détruit. Peut-être. Parce qu'elle a, elle a l'air d'être immobile depuis bien plus longtemps que nous puissions l'imaginer. Après, étonnamment, tu remarques que... Si elle était là, par exemple, depuis toujours, elle serait, dans l'idée, complètement recouverte de mousse. Mais que là, au contraire, le haut semble étonnamment propre, du coup. Et puis, au niveau de ses yeux, tu vois qu'il y a comme un espace qui a été laissé avec, à l'intérieur, quelque chose qui a été déposé. Tu l'as déposé au niveau de ses yeux. Des yeux, à l'emplacement des yeux. Attends, quelque chose de déposé à l'emplacement des yeux. Je comprends pas ce que c'est censé dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les yeux. Tu peux. C'est ça. Je parle à Tori vu qu'il a choisi d'examiner le point particulier. C'est quelque chose que je pourrais enlever si, avec ouais, tu vois, ça a l'air blanc à l'intérieur. Comme, je sais pas, un yaourt ou... C'est pour l'instant, je pourrais pas dire. Après, il y a mon côté un peu, tu sais, scientifique, enfin, tu sais... En plus, je me rends bien compte que c'est de forme humaine, enfin, quand même. Oui, c'est ça, ça a l'air vraiment humain, mais c'est beaucoup trop grand pour... Mais que c'est comme si on avait copié un être humain, mais qu'on l'avait fait en fer, enfin... C'est vraiment ce que je peux imaginer. Parce qu'on n'a jamais vu de robot, nous, on sait pas ce que c'est. Vous avez vu des systèmes mécaniques, des ferrailleurs qui ramenaient des artefacts plus ou moins impressionnants, mais j'ai rien de cette envergure. Je serais tenté de mettre mon doigt dedans. par curiosité, mais en même temps, j'ai peur de ce que ça pourrait être. Ou alors on la détruit, tu ramasses après. C'est comme tu veux. Ouais, mais clairement, j'ai un peu l'impression que même si on tapait dessus, il se passerait pas grand-chose. Enfin, elle a l'air quand même costaud, là, la bête. Oui, mais... Oui, mais on est 5, on est armé. Enfin, ça perd d'être indestructible, c'est du métal, hein, je crois. Et elle a cette masse avec elle, ou pas? Par rapport à ce que tu nous montres. Elle a 7. Masse. Ah non, elle ne possède rien dans les mains. D'accord, donc c'est vraiment juste elle est là, debout, droite. Ouais. Ok. Bah écoute, Il y a Ida qui commence à faire le tour et aller examiner également. Tu fais quoi? Bah, par curiosité, parce que c'est maladif, hein, je suis là. Je vais mettre mon doigt là, dans cette partie-là. Tu mets ton doigt et t'en ressors un petit truc. Une bougie. Répète l'opération sur le deuxième œil et pareil, une bougie. Genre, on lui a foutu des bougies dans les yeux. Exactement. Ah, pour lui donner un peut-être un peu pour lui donner l'effet d'être vivant, quoi, peut-être. Quelque part. Ouais, l'effet d'avoir des yeux qui brillent, c'est d'être Oui, vivant. enfin d'être actif, ce qui pourrait vouloir dire que clairement peut-être quelqu'un a entretenu cette machine, peut-être la nettoyer ou la pour lui donner un aspect de méfiance quoi. C'est un Oui, voilà, épouvantail. comme un épouvantail, oui, effectivement. Les gars, vous voyez Ida qui vous parle, il s'est éloigné de quelques mètres. Allez, t'éloigne pas trop. Venez voir. Oui. On dirait qu'il y a comme une grotte ici. Super, maintenant on a Ah. trouvé le champ que gardait l'épouvantail. Bah, du coup, je vais voir, je la suis. Enfin, je le suis. Tu le suis. Tu passes derrière le pantin articulé. L'épouvantail. Ça fait tout étrange de l'avoir dans ton dos. Tu vois, t'as le poil qui se hérisse un peu. Mais bon, il a l'air bel et bien désactivé. Et tu vas t'approcher d'Eda et tu vois en effet, un peu plus loin, en plein milieu du brouillard, vous voyez une espèce de trou au niveau de la colline, comme si on pouvait rentrer à l'intérieur. Du coup, j'appelle les autres. Je fais Mokosh, Abby, venez. Pas chaud. Ok. Moi, je me sens un peu plus en confiance maintenant. Parce que je me dis que si quelqu'un a besoin de faire peur aux autres, c'est bien nul. Vous vous approchez. Vous voyez en effet, ça descend. Bah, du coup, je dis bah, on y va? Juste à l'entrée, vous remarquez un support de toque, un socle de torche. Un support de torche, j'ai oublié. Une torche, quoi. Elle est accrochée au mur, mais éteinte. Fait quoi? On la prend et on l'allume? Oui, enfin, genre, tu sais à quoi de l'allumer déjà? Ben, on a le briquet de notre périple. Ouais. On l'a toujours. Ouais, mais le problème des torches, c'est que, bah, en vrai, ça nous rend plus facilement détectables et ça éclaire pas grand-chose, on voit Ouais, pas mais bon, très si on va loin. dans une grotte, personnellement, j'ai envie de voir quand même où je vais. Ah oui, clairement, je dis pas ça, je dis juste que faut le prendre en compte, c'est-à-dire que, bah, une torche. Dans la vraie vie, ça éclaire pas super loin. Genre, on va voir à peine un mètre de nous. Par contre, les autres vont voir la lueur plus rapidement. C'est toujours mieux un mètre que rien du tout. Oh oui, totalement. Mais Bah, surtout quand tu vois comment a fini son pote. Personnellement, j'ai pas envie de finir empalé. c'est ce que je disais ça juste pour prévenir. Hein. Oui, non, mais je sais, je me doute que Ouais. tu. Mais bon, nous n'avons pas le choix, je crois que là, il faut y aller de toute manière. C'est la meilleure option qu'on ait. Et clairement, ça veut dire que. C'est habité puisqu'il y a un support de torche, donc quelqu'un y est. Où il a été. Où il a été. Mais au pire, ça nous donnera un abri pour la nuit. Si c'est. Ce sera déjà ça. Bah, Bah, allumons donc qui ça c'est et on qui. va jeter un coup d'œil. Qui c'est qui prend la torche? Allez, je la prends. Ok, bah, je te laisse passer devant alors. Ok. Tu Et descends. moi, je suis en troisième position. Je laisse la deuxième. Oui, Aïda avec vous. Tout de suite, lui aussi est étrangement plus rassuré. Ouais, voilà. Tout le long de la grotte, si on peut dire, vous croisez d'autres supports de torches, parsemés ici et là. Et puis, vous voyez une espèce d'ouverture de l'autre côté. Il semblerait que ce soit une espèce de tunnel au final. Vous empruntez la seconde sortie et vous arrivez dans ce qui semble être une grotte ouverte. Dans le sens où, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme une espèce de zone entourée de terre. Enfin de, on va dire de collines. Mais du coup à ciel ouvert. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Bah c'est genre une grotte à laquelle on aurait enlevé le plafond. Voilà, clairement. Voilà, c'est exactement ça. En plein milieu, vous voyez des tentes. Parsemées ici et là. Et puis, vous entendez des voix. Oh. Des gens qui ont l'air de parler de l'autre côté. Il y a peut-être un feu qui a été allumé. Moi j'éteins du coup là. Vous entendez le petit crépitement typique du bois qu'on fait chauffer. Donc t'éteins la torche, Abby. Ouais, ouais. Vous voyez aussi disposer des sacs, des bancs, des armes. Des pots sur des chevalets. Et un corps. En plein milieu. Quoi ? Un corps dans le sens. Pas un cadavre. Le corps dans lequel on souffle. Ah, d'accord. Ah, un corps ! Ouais, d'accord. Ça, je me suis dit, ça y est, ils ont décoré leur village avec des cadavres. C'est ça. Ok. Ok. Bon, clairement, on est les 4 Le nombre, en nombre, ils sont. Est-ce qu'on arrive à déterminer le nombre qu'ils sont ? Écoute un petit peu. Tu sembles distinguer 5 ou 6 voix, peut-être. Peut-être, ouais. Mais c'est juste les gens qui parlent après, on sait pas, peut-être qu'il y en a qui sont dans les tentes. Oui, la discussion a l'air parfaitement normale, comme des gens qui discuteraient au bistrot. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'ils racontent ? De quoi il y a des. Bien sûr. Quel est le sujet ? Fais-moi un jet d'intellect concentration. Alors, intellect focus, j'imagine. Ouais. Et le dernier. Ok, super. Alors, j'ai fait 3 succès. Très bien. T'as du mal à entendre. Tu saurais pas dire clairement de quoi il parle. Ok. Et pour ça, il faudrait se rapprocher, quoi, en gros. Mmh. Bien sûr. Visuellement, est-ce qu'on a la possibilité de s'approcher sans être... enfin, en tout temps, oui, il y a des tentes dans laquelle vous pourriez plus ou moins... Enfin, derrière laquelle vous pourriez vous poser. Je fais un peu des coudes aux autres, je fais qu'on avance. Vous avancez. Allô ? Ouais, oui, on avance. Vous essayez de faire le moins de bruit possible. Quand vous vous rapprochez, vous entendez de mieux en mieux la discussion. Vous entendez un homme, notamment. Qui semble parler de confort. Bref, une conversation complètement banale. Ok. Ok. C'est une situation un peu chelou parce que j'ai envie de m'annoncer, mais ça risque de foutre le bordel. Bah après, on peut très bien s'annoncer, genre en gros, on s'est perdu ou enfin, genre on s'est égaré. Oui, genre... Je pense que on n'a pas besoin d'inventer une excuse. Il suffit de dire. On est là pour tous vous tuer. Genre... Non, non, non. Quoi ? On va pas mentir, t'as dit. Alors. C'est... Putain, je savais que c'était tous des génocidaires, c'est-à-dire. Tellement. Genre, où est Simon ? Ça va foutre la merde. Donc, non, mais je pense qu'il faut qu'on s'annonce, c'est le seul moyen. On peut les attaquer par surprise, mais si c'était pas des méchants. Si c'est pas des méchants. C'est un peu embêtant, quoi. Le problème, c'est que pour eux, nous sommes les méchants. C'est quelque part. Ah non, on est juste des visiteurs. Ouais, bien sûr. Non, mais toi, de toute façon, il n'y a pas à discuter. En fait, on n'a pas 20 milliards de possibilités. Hein, c'est-à-dire. Vous avez pas entendu? Si. Quoi? Ça doit être les autres qui rentrent, j'entendais parler. Il y a un grand silence. La conversation au niveau du feu s'est interrompue. Victor? C'est le moment. Je pousse Toric. Tu pousses Toric? Bah, autant se déclarer maintenant, non? Ok. Tu pousses Toric. Toric, toi, tu te retrouves précipité. Je le suis, hein. Pardon? Je le suis, hein. Je suis pas en mode... Oui, oui, oui. Ah oui, non, elle me propulse pas, quoi, je crois. Longue vie au roi. Et c'est en mode, je pousse... Oui, non, mais j'avais compris. Tu pousses Toric. Toric, tu te retrouves, du coup, on va dire, propulsé au niveau du milieu, et t'es accompagné par... Abby qui sort d'un coup. Bien sûr, petit détail, mais genre, là, cette fois, genre, l'arme, je la mets plus à l'arrière. Hein, genre, je suis pas en mode, je mets l'arme sur les mains, en mode, ah, très bien. T'as, moi, je manque de me péter la gueule par terre. Moi, personnellement, je reste dans l'ombre. Hein. Au cas où ça dégénère, je les décapite tous. Exactement, donc. Vous voyez quatre hommes réunis autour justement d'un feu. Moi, je ils ont plus l'air de vieillards qu'autre chose. Ils sont pas armés. Ils sont juste en train de manger. Cas, vous voyez l'un d'entre eux qui se lève d'un coup, qui fait « Mais vous êtes qui ?» Toric, si tu parles pas, je suis obligé de parler. Nous sommes envoyés ici pour essayer de retrouver des gens qui se seraient perdus dans cette forêt. Quoi ? Qui vous envoie ? À votre avis. Oh, c'est une question. De qui pensez-vous qu'on... D'où pensez-vous qu'on vienne? Vous voyez bien comment je suis habillé. On qu'est-ce vient que là... l'hôpital... C'est pas l'hôpital qui nous envoie. Enfin, peut-être, lui peut-être, mais pas moi. Écoutez, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. Hein. Vous êtes pas contaminé. On est bien d'accord. Non. Mais... Bon bah alors, vous avez rien à craindre de moi. D'accord. Tu vois, vous voyez globalement, l'homme à qui vous parlez a l'air d'être un vétéran avec les cheveux bruns coupés assez secs, mais complètement décoiffé. À côté de lui, assis, il y a un gros lard, un petit vieux. Et puis un mec avec une barbe. Du coup, je dis. Si vous pouvez vous annoncer clairement. Ah non. Voilà. Comment ça? Qui avons-nous à faire? Vous annoncez clairement. Bon bah. L'homme à la moustache. Je suis le caporal. J'étais caporal. Ex-caporal Nash. Nash. Enchanté. L'homme ici, c'est le vieux Hank. On a le nouveau là aussi. Simons, tu vois qu'il pointe le petit vieux. Et puis en pointant le gros lard. Et ça, c'est Sablonne. Sablonne? T'as un problème? Ça fait longtemps que vous êtes là? Je suis arrivé il y a 4 ans. Tu vois le gros lard, moi je suis là depuis 2 ans. Et les autres? Les autres se prononcent pas. Et vous, comment vous avez dit ce Simons là? Simons. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi je suis arrivé là il y a 2-3 mois. 2-3 mois? Et vous, Nash? Ça fait 8 ans. 8 ans. Et vous avez réussi à survivre autant de temps là-dedans? C'est vous qui avez Eh bah posé les ouais. pièges? On n'avait pas le choix. Ouais. Disons qu'on a perdu quelques camarades à cause de ça. Vous voyez le fléau avec vous qui commence à prendre le devant. Il marche quelques pas devant et puis il pointe son lance-harpon. Je le frappe. Bon, maintenant il y en a marre avec vos conneries. Deux de mes hommes sont morts aujourd'hui. Dites-nous ce qui se passe. Calme-toi, Edda. Calme-toi. Tu le vois tremblotant, tenant son lance-harpon. Ça sert à rien de t'énerver comme ça. Déjà, essayons de comprendre un peu la situation avant d'agir bêtement. Tu vois bien que c'est des vieux. Ils vont faire de mal à personne. Il baisse son arme. Moi, je sors de l'ombre quand même parce que, a priori, il n'y a pas de raison de rester caché. Tu sors de l'ombre. En jetant un coup Par d'œil contre. au petit vieux au bout, connaît clairement Simmons. Comme tu le prédisais, il a perdu tous ses cheveux. Enfin, quasiment. Du coup, je reprends sur Nash là, puisque c'est lui qui nous a parlé en premier. Je dis, oui, j'ai souvenir que vous attendiez quelqu'un, un certain Victor. Ça veut dire que vous êtes encore nombreux ici? Bah ouais, il y a les 4 autres. C'est-à-dire? Disons qu'on est toute une petite communauté ici. Et on tourne de temps en temps. Écoutez, qu'est-ce que vous nous voulez en fait? On fait de mal à personne. Bah, techniquement, si, vous en avez tué deux. Indirectement, certes, mais vous avez tué deux personnes. Comment ça, on a tué deux? Non, on a... Bah, vos pièges, Il est en vie, on le a tué premier. deux. Il est en vie? Il est où? Je sais pas, ils l'ont emmené quelque part pour l'interroger. Eh bien, dans ce cas-là, on va attendre qu'ils vont revenir avec lui ou pas? Je sais pas, moi. J'espère pour vous. Ça Ils sont dépend. où? Ça dépend ce qu'il aura dit. Et ces gens-là, vos camarades, ils sont aussi vieux que vous? Ou c'est des jeunes? Non, ils sont un peu plus jeunes. Bon. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah, ça vous donner un peu à manger. On Pardon? va attendre vos amis. Hein? Oui, on va manger ensemble ce soir. On va attendre vos amis. Et s'ils n'ont pas notre pote, on avisera. Mais pourquoi vous êtes là à la base? On leur parlera quand ils seront là. Je pense que c'est mieux, non? Ouais. Très bien. Hein? En même temps, c'est pas comme si on avait quelque chose à faire maintenant tout de suite. Hein? Il est tard, on a faim, on a perdu deux de nos camarades. Je pense que vous nous devez bien ça. Ok. Et puis en même temps, on va en profiter. Vous allez vous parler un peu de nous. Qu'est-ce que vous faisiez avant pour que vous vous retrouviez dans cette situation? Ok. Vous aimez les champignons? Vous voyez qu'en effet, au niveau du feu, ils sont en train de faire choper une espèce de ragoût. Écoutez, ma foi. Qui se sont eux-mêmes servis dans des bols. Ouais, ils ont déjà mangé quoi, ils Oui, sont c'est servis ça. dedans. Ouais, donc en gros, on va pas se faire empoisonner. Non, non. Écoutez, bah oui, hein, tant qu'à faire, on va manger. Hein. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement? Des champignons qu'on a trouvés. Il n'y a que des champignons là-dedans ou... Non, il y a aussi quelques herbes et puis un peu de viande. Mais bon, c'est compliqué de... On n'en a pas vu un seul ici. On sait pas pourquoi. Ils ont complètement déserté les lieux. Ça a toujours été comme ça. Et du coup, c'est quoi comme viande? Ça, c'est un sanglier qu'on a trouvé. Mais il faut aller tout au nord pour les choper. Ouais. Est-ce que je peux regarder discrètement la viande pour voir ce que c'est? Tu regardes la viande de... Et clairement, c'est du sanglier, c'est pas de la viande humaine ou... D'accord, bon, ça va pas, je mange. Clairement que c'était du sanglier. Moi, je mange. Tu l'air de rien, je leur demande comment on fait pour faire les bruits de bête. Pour faire les? Les bruits, les hurlements. Ah, d'accord. Comme celui que vous voyez là. Il pointe le grand truc. Ah, le corps. On en a des plus petits aussi. Ouais, c'est bien ce que je pense. Enfin, c'est plus des genres d'appos au final, mais... L'idée est la même. C'est plutôt ingénieux. Plutôt ingénieux. Il est vrai. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avant pour vous retrouver ici? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé là, vous cacher de je ne sais quoi? J'ai déserté le front. Et alors, je suis venu vivre ici. De temps en temps, on peut essayer de sortir, parce qu'au final, les gens nous oublient, mais... Vous remarquerez, au final, on n'est pas plus mal... On n'est pas plus mal qu'ailleurs. Et vous, Hank, pourquoi vous êtes là? J'ai fait une connerie. Laquelle? J'ai tué des gens. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Alors j'ai fui. Qu'aujourd'hui... C'était des gens trop importants. Ah, des gens importants. Mais de... Écoutez, j'ai pas envie d'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que... On vit ici. Lorsqu'on tombe sur quelqu'un en plein milieu de la forêt, on essaie de le choper et puis on essaie de savoir qui c'est. Si jamais c'est aussi un déserteur, un criminel ou quoi que ce soit, on lui propose de rester avec nous. Personne ne sort. Et si c'en est pas un? Alors ça serait une nouvelle victime de la bête. Donc en gros, vous avez tous, a priori, des choses à vous reprocher et vous vous cachez là pour pas vous faire attraper, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Vous voyez Simons qui lui est très silencieux. Bah du coup, je lui pose la question parce que bon, j'ai un peu... Ouais, voilà, mon coche... Ouais, et toi? Non, je me suis endetté. Ça me semble plutôt faux. Non, je vous jure. Ouais, mais moi je te jure que c'est faux. Tu vois en effet à sa main le fameux anneau dont vous aviez parlé. Ah oui. Vous pensez qu'ils vont revenir dans longtemps là, vos amis? Aucune idée. Par contre, vous devriez faire attention si j'étais vous. Pourquoi? C'est une menace. Nous, on est plutôt ou... la partie. Non, mais c'est juste que l'idée des meurtres et tout, ça vient plutôt d'eux. À la base, nous, on voulait juste. Voilà quoi. Éloigner les curieux. Alors. Et vous savez qui ils sont exactement? Je sais pas, des criminels. On parle pas tant que ça finalement de nos passés. Et bah du coup, je me retourne vers Abby et puis je dis bah écoute, qu'est-ce que tu proposes toi? On fait quoi? prend son anneau et on se barre. Pardon ? C'est en mode discret, donc après je sais pas qui nous parle, le MJ ou le PNJ. Non, non, c'est oublié. Oui, le problème il est là, c'est que tu sais pas à qui tu parles, donc... Après, s'il veut essayer d'écouter, il peut. Hein. Par contre, si je remarque qu'il m'a écouté, le mec, je fous une tarte. Putain. Mais Je vois les, après, vous voyez les, temps... les autres qui mangent en essayant d'avoir l'air naturel. Comme si votre présence les mettait pas relativement mal à l'aise. Parce que j'imagine que en regardant Ada, lui, maintenant, il va juste attendre de retrouver son. Oui, oui, tu vois, lui, il est clairement tourné au niveau de l'entrée, harpon à la main, comme si ça prêtait à tirer à la moindre écoute, chose. Du coup, je prends un billet à part, légèrement à part, hein, genre pour pas que Cormocoche, tu peux y continuer à discuter si tu veux. Ouais. Et, du coup, je dis à Abby. Ils sont pas vraiment en position forte, ils vont pas s'opposer à ce que vous vous éloignez un petit ouais, peu. Ouais, non, mais je vais. Ouais, donc du coup, je dis écoute, il fait nuit. On a clairement un petit peu fatigué, on peut essayer de prendre un peu de temps pour se poser, souffler. Et en attendant, ben, comme ça, Ada, on peut lui demander d'aller jeter un œil à l'entrée. De toute façon, il n'y a qu'un seul endroit possible, donc ils seront obligés de rentrer par là. Et puis si jamais on peut, au pire, avoir le dessus sur eux et leur prendre leurs armes s'ils en ont pour les avoir vraiment les tous ensemble sous... notre menace, quoi, et puis on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Parce que là, on a clairement l'avantage. Je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'on soit à l'intérieur. Oui, c'est une sorte d'avantage. Bah. Ouais. Disons que je pense que ce serait bien pour nous d'en savoir un peu plus sur. Le pourquoi du Simon, c'est tout ça, et savoir sur qui on a vraiment affaire, pour que quand on reviendra à la justicienne, on ait vraiment les clés en main, quoi. Pour vraiment, oui, enfin, si on est censé l'avoir rencontré mort, on n'est pas censé savoir ce qu'il fout là, mis à part ce qu'il nous ont dit. Oui, mais si on le ramène vivant, c'est encore mieux. Oui, mais vu ce qu'il dit, je crois qu'ils n'ont pas l'air très chaud de sortir d'ici. Mais est-ce qu'ils ont le choix si on leur dit que non? Oui, enfin, je suis pas sûr qu'une équipe de 5 arrive à... Enfin, une équipe de 4, pardon, arrive à escorter une équipe de 8. Bah, on s'en fout, c'est fait... Simon ce qu'on veut, on peut buter les autres. C'est pour savoir l'avantage. Comme quand je suis en train de discuter et t'entends les voix derrière, tu sais, en mode, on peut les buter, du coup, tu t'efforces de parler un peu plus fort pour... J'essaie de parler un peu fort. Non, mais. Ou alors, clairement. Tu sens bien. Prends ton arme et va les buter maintenant. Enfin, je sais pas. Non, mais au pire, regarde, au pire entre nous, Abby, tu vois bien que c'est un peu chacun pour soi. Si on dit qu'on les laisse en vie mais qu'on récupère Simons, je pense qu'ils vont pas opposer une grande résistance. Honnêtement, hein, entre nous, ils sont pas. C'est pas des grands amis, ils sont juste là pour survivre. Si on leur laisse Simons, ils vont pas. Ce sera pas la fin du monde pour eux. Hein. Moi, je pense à la solution de simplicité, c'est-à-dire juste prendre la bague et dire qu'il est mort. De toute façon, s'il compte pas sortir ouais, de là. Et puis, le jour où il refait surface par le plus grand des hasards, on passe pour des bouffons. Quoi. Oh, enfin, tu sais, ça fait 8 ans qu'il est là. Hein. Mais oui, mais pas Simons, ça fait 2 mois qu'il est là. Ouais. Mais on sait jamais. Du coup, on lui demande s'il veut venir, et s'il veut pas venir, on prend juste sa bague et on se casse. Ouais, je sais pas. Faudrait voir avec mon coach ce qu'il en pense. Et puis Ada aussi, parce que j'imagine que lui aussi doit avoir des consignes. Donc, Ada, il aura suffi. Si on veut partir avant que les autres cons arrivent, faudra partir sur Ada. Hein, parce que Ada va attendre son frère, donc tous les cas, on va pas partir sans, ça serait très bizarre. C'est pas son frère, hein, Ada qui. Ah oui, c'est Ada, c'est celui qui en arrive pas. Mais il n'empêche que. Oui. Enfin, c'est ouais, le même message. Solidaire de son ami. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, ils ont l'air relativement proches. Hein. on prend le risque de l'abandonner, et si s'en sort et qu'il raconte qu'on l'a laissé tomber, on prend le risque de d'avoir pas d'abandon, genre. C'est juste Oui, mais on n'aura pas rempli la mission, quoi. C'est ça que je veux te dire. Il pourra toujours nous balancer, Aida. Est-ce que tu vises toujours sur le trop long terme, toi? Bah oui, mais je suis obligé, je suis rationnel. Tu vois, c'est mon côté un peu. Je pense à tout, quoi. Ouais. Et moi, je dis juste que de manière rationnelle, c'est mieux de juste maintenant proposer les cartes sur table que d'attendre qu'il y ait encore 4 autres cons et qu'on soit en ce nombre. Ouais. Et comme tu veux, écoute, je vais en discuter avec Mokosh si tu veux, et puis on voit ce qu'on fait derrière après. Ouais. Ce qu'il en pense. Vas-y, discute avec Mokosh. Bah du coup bah je reviens et cette fois-ci je demande à Mokosh de venir et puis... Prends Mokosh et moi qui m'assois, on fait une tour. Et du coup pareil, voilà, je discute de ça avec Mokosh, je dis qu'est-ce que t'en penses. On attend que le pod Eda revienne et on voit ce qu'on fait, ou on y va cash, on récupère Simon si on se barre. Et en laissant l'autre derrière. On prend Simon et on dit à Aida. Aida quoi? Et on dit à Aida de nous suivre. Et il abandonne son ami aux autres, c'est ça? Ouais. Bah après, j'ai pas dit qu'il devait le faire. On lui propose ça, quoi. On lui propose. On lui dit qu'on se tire. Ok. Bah écoute, bah du coup, moi je vais aller voir Eda alors. J'aurais fait le tour de tout le monde. Mais vas-y, y'a pas quelqu'un avec moi là. Vous faites chier. Je vais à la. Je suppose qu'il a dû partir vers l'entrée de la grotte, j'imagine. Eda. Donc je vais gentiment vers lui et puis je lui parle de tout ça en lui expliquant que voilà, nous, Simon c'est là, la mission c'est ramener Simon et que du coup on estime que le moment est venu de le faire avant que les autres viennent, avant que ça dégénère. Donc est-ce que tu acceptes de rentrer avec nous en malheureusement laissant ton ami derrière toi, ou tu décides de rester là et d'essayer de le récupérer? Je peux pas l'abandonner. Ok, et on part. Ok. Oh, c'est quasiment coche. Ah, tu sais pas ça encore. Déjà, je te l'ai pas dit. Ah oui, non, mais c'est pour... de toute façon, c'est pas Abby qui est venu qui a fait ok, on se barre. Hein. Oui. Vu que c'est le groupe qui a parlé, je me dirige vers les deux autres en disant bon bah allons-y, on récupère Simon. Ouais. Je te laisse parler, Abby. Très bien. C'est sûr que c'est moi, j'ai pas très envie d'être diplomate là. Ah bah écoute, t'as voulu le récupérer. Ah non, mais je préviens. Juste. Non. Tu assumes le fait que tu veux récupérer Simon. Non, mais j'ai pas très envie d'être diplomate là maintenant tout de suite, donc si c'est moi, je vais droit au but. Hein. Je passe pas par 4 milliards de chemin. Hein. Allez, d'accord. Ah, ok. C'est des vieux, on n'a pas à être diplomate. Ok, merci, moi, quand je t'aime. Vas-y, Abby. Bah, du coup, plaisir. Je me lève. Vous voulez des champignons? Non, merci. Par contre, on veut Simon, parce qu'on est venu ici pour lui. Pourquoi moi? Bah parce que toi, enfin genre nous on a dit venir te chercher, on n'a pas demandé pourquoi. Voilà, on a besoin que tu viennes avec nous, donc bah écoute, ce qu'on propose c'est que tu viennes avec nous et qu'on rentre. Vous voyez le gros lard, Sablon. Ah, je savais qu'ils étaient là pour toi. Bien vu, tu m'as l'air malin. Mais par contre, du coup, vous allez faire quoi de nous? Du groupe là, écoutez, si vous avez envie de sortir, on peut vous emmener à la sortie, et si vous avez envie de rester là, bah on va forcer personne à part Simon de venir. Hein. Vous en parlerez à personne? Non, enfin genre, on n'a rien à y gagner de toute façon à parler de vous, je crois. Eh bien, si vous m'amenez avec eux, je dirai tout. Pardon? Oui, Simon, qui. Je leur dirai tout. Je leur dirai ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais pas vous, eux. Bah, si vous les laissez me prendre, eh ben je dirai tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, genre, tu n'as rien vu, Simon, c'est bon, ça va. Bah, non, tu viens, ils peuvent arrêter de te faire chier. Tu vois qui recule un peu et jette son bol de champignons par terre. Bon, écoute, sinon il y a une solution. Si tu veux absolument rester là, on peut te couper un doigt. Parce que voilà, il faut qu'on ramène une preuve que t'es mort. Sinon, c'était soit on te ramène vivant, soit mort. Donc, on peut ramener une preuve que t'es mort, on te coupe un doigt et tu restes avec eux. Ça te va? Mon anneau, ça suffira. moi, tu vois clairement, je suis derrière, ça me fait chier. Hein. Mais, honnêtement, moi, c'est pour moi, j'étais vraiment parti pour prendre Simon, ce degré de force, que ça te fasse chier ou pas. C'est tout, quoi. Bah, déjà, l'anneau, ça me va. Il va nous dire qu'il va rester là après leur avoir dit qu'elle allait trahir. Oui, tellement. Non, mais ça, déjà, je veux l'anneau parce qu'il peut valoir de l'argent. Donc. Oui, bah, du coup, écoute, on se contentera de l'anneau hein, si tu veux pas me donner ton doigt. Mais après moi, je viens et je dis, mais écoutez, oh, ok, Simon, prenez-le. Tu vois, Simon, il tend sa main et lève son doigt où il y a l'anneau. Allez-y, Simon, prenez-le. Est-ce que tu crois pas que, après ce que tu viens de dire, tes camarades. Vont pas. Je pense pas qu'ils aient vraiment apprécié ce que t'es raconté là. Mais c'est vous qui avez commencé. Non mais les gars. Ah nous on n'a rien fait. Nous on est juste dit qu'on était là pour toi. On n'a rien fait. On est venu te chercher. Par contre c'est vraiment de voir que t'es assez fidèle pour que genre il suffit qu'il y a une personne qui vienne pour que tu dis que tu vas tous les dénoncer. Moi je dis ça, je dis. Mais non mais c'est pas ce que je voulais dire. Je regarde les autres et je lui dis écoutez messieurs. Est-ce que vous voulez qu'on emmène cet homme? Il a jeté mes champignons par terre. Ou est-ce que vous voulez vous en occuper vous-même? Après, clairement, tout ce qu'on veut, c'est comprends. Pas de souci. Alors, à la limite, on préfère le garder. C'est vrai. À ce moment-là, vous entendez Aida au niveau de l'entrée. Les gars! Bon, oui. On se casse maintenant ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là! Qu'est-ce qu'il y a, Aida? Ils sont là? Oui, ouais. Ah, on se casse maintenant ou pas? C'est genre, on a 5 secondes pour décider, on fait quoi? On se casse? Non, mais clairement, est-ce que là, on a le temps de sortir tout de suite ou est-ce que. Bah, on pourra pas aller à la grotte, tard, on peut se cacher et après aller à la grotte. Tu préfères, genre. Bien sûr, on va pas aller à la grotte parce qu'ils viennent de là, je crois. Oui, Simon, ce qui vous regarde en train de presque paniquer. À l'aide! À l'aide! Je fous une droite, tu vas fermer sa gueule, lui! Il fait manger de force. J'aime pas les gens qui parlent comme ça là alors qu'on a rien dit. Ou athlétisme, non, physique, corps à corps ou force. Ça dépend si tu veux lui mettre une droite en mode j'enfonce une porte ou en mode. Exactement à la même chose, j'ai les mêmes nombres de dés. Très bien, et bien comme tu veux alors. T'as le choix à choisir pour faire le même nombre de dés au final. Bon, j'ai 8. Dans tous les cas. Oh! Je suis désolé, Simon. J'ai fait du coup sur 4 dés, 4 réussites, dont un déclencheur. Ok, tu lui fous un énorme coup de poing. Ce soir. T'avais récupéré son anneau ou pas? Bien sûr, il est dans ma poche. Ok, donc ouais, ok, tu lui fous un énorme coup. Tu vois clairement ce petit vieux tout fragile, genre il est assommé sur le cou, sa tête qui est finie dans le bol de champignons qu'il avait renversé. Il s'éclate comme une merde. Par contre, clairement derrière vous, vous entendez les bruits des mecs qui reviennent. Et vous voyez Aida qui recule de quelques mètres pour vous rejoindre. Et la silhouette des 4 mecs qui se dessinent. Bon, de toute façon, on va pas les affronter. Ils ont entendu ou pas les... Ils ont l'air en effet un peu plus jeunes que les autres. Oui, là, ils sont clairement sur les autres. Oui. Il y avait un combat qui allait se faire, quoi. Oh, y a pas ils ont combat, entendu ça. C'est juste un mec qui a parlé un peu fort, j'ai mal au crâne, donc je vais les taire, c'est tout. Bon, après, clairement, ils ont l'air un peu plus jeunes que les autres, mais pas tant dangereux que ça, dans le sens où ils sont armés. Et... de couteaux, il y en a un qui a une espèce de vieille massue dégueulasse tout trouillée, il y en a juste un qui a l'air d'avoir un espadon. J'ai une question, est-ce que le fait que par exemple les vieux là à côté, enfin genre ils ont pas l'air d'avoir trop réagi au fait que j'ai foutu une droite à cette mode? Non, eux ils ont l'air de se faire genre tout petit, tu vois. Ouais, bah est-ce qu'à la limite le fait qu'ils ont l'air plutôt calme, ça va pas dire aux autres ça va, on n'est pas parti en baston, tout va mal? Ça dépend parce que les autres ont l'air pas du tout dans la même optique. Ce qu'il me disait tout déjà... à l'heure, c'est clairement d'être le côté... obscur. Voilà. Oui, enfin bon, après on a un rapport de force qui est différent, parce que on a des armes quand même qui sont déjà plus importantes. Malheureusement, vous avez aussi Aïda, qui lui était parti pour les attaquer. Mais écoute, je pense qu'à un moment, enfin genre, moi j'ai fait... Oui, j'ai mais après, par... est-ce... Je pense est-ce que... Il va falloir passer au... un moment... Enfin genre, s'ils ont l'air déterminés, oui, il va falloir le faire. À un moment... Okay. Ça, c'est le MJ qui dit « Oui, je veux faire une session de combat. Allez !» Non, c'est vrai, je veux faire une session de combat. C'est que, clairement, il garde la porte d'entrée. Une session de combat, il nous a enfermés dans une arène. Hein. Oui. Bah, on est un peu dans une arène, là. Il n'y a qu'une seule issue et c'est eux qui arrivent sur nous. Il y a les vieux à côté pour faire le public, mais c'est pas ouf. Quoi. Ah ouais. Ou, ils mangent leurs champignons à la con, là. Les champignons, c'est bon. Ouais, pas mal. Bon, Mokosh, chaud. Oui, bah, moi je me présente déjà à l'avant. Moi je vais pas me battre. Par contre, si genre tu leur balances vraiment une petite phrase en mode. T'as le droit hein, si tu veux. Non, j'ai pas ça va chier. Par contre, j'indique juste si on rentre en mode combat. Moi je vais pas me battre en mode combat avec le. Le harpon, parce que je sais pas utiliser ça et que ça serait totalement con. Du coup, je le pose, mais. Ouais, on va dire à portée, j'imagine, du coup. Mais pas trop, en fait, à la limite. Ah, ok, parce... d'accord, tu préfères le mettre. Bah, imagine, genre, Simon se réveille, il fait ah ouais, tu m'as frappé, il prend le truc pour me viser, je vais me sentir con. Ok. Dans ce cas, tu peux faire plutôt le jeter. Ouais, je pense, je vais le jeter au loin, tu vois, en mode. Genre, pas très loin non plus, mais en mode, tu vois, genre, si Simon se réveille, il est pas à ses pieds, tu vois. Ok, fais-moi un G. Si tu fais un 1, lorsque tu jettes le harpon et qu'il atteint le sol, il tire dans une direction au hasard. C'est limite drôle. Hein. Ouais. Je te fais quoi comme G ? Juste un D6, c'est ça, fait 1. Ah, ça juste un D6 ? J'ai presque envie que ça fasse 1 pour que ça touche un des mecs et que je lance la bagarre. Ça serait assez incroyable. Mais ça serait trop drôle. Un peu probable. Mais ça serait trop drôle, genre tu balances le truc, c'est. Ah ! Ah bah y'en a un, moi. Ça fait 1. Ça fait un. Oui. Tu jettes le truc au sol. Forcément, c'est pas un mécanisme fait pour tenir. Quand tu le jettes, ça active le harpon. Alors, attends, putain, mais comment on peut déterminer une direction ? Bah, en gros, genre, imagine une map. Tu le mets dessus, tu le mets par rapport à l'arme et tu fais nord, sud, est, ouest. Et tu fais 1, 2, c'est nord. Non, là, ça marche pas. Du coup, ouest, tu fais. Un dévise, un dédice. Je trouve que c'est pas obligé de toucher quelqu'un, mais on va dire. Bien sûr, bien sûr. Qu'il y a actuellement 4 plus 4 plus 4 personnes ici présentes, ce qui nous fait 12 personnes. On va établir que statistiquement. Allez. Faut que ça touche un des ennemis et ça lance la bagarre. Si ça fait ça, ça finit l'embrouille d'histoire au Big. Bon allez, est-ce qu'on est là pour faire du sang ? On est là pour faire du sang, donc tu vas me jeter un des 12. Bien sûr. Et ça sera par ordre alphabétique. Oh putain. Mais je connais pas leur nom. T'inquiète pas, je suis en train de faire la liste. Toi-même. Alors attends, non, je fais juste la liste. Bon, ce sera pas alphabétique en fait, mais c'est pas grave. Vieux Hank, Simons, Caporal, Sablonne. Victor. Alors, ouais, Victor, Edgar, Raoul et Alan. André, comme ça, on va faire comme dans City Hunter. Tu as tué Edgar, Raoul et André, et je vais les... et également, Mokosh. Oui. Torik, Aïda. Je sais, le MJ est pas con, il les marque pas sur même ordre. Et merde, Abby. Vous serez les 4 premiers chiffres. Ah bon ? Ouais. Ah oui, tu vas dans le sens plus c'est 1, 2, 3, 4. C'est vous, le reste ça va être un des personnages. J'arrive pas à lancer le dé, j'ai trop stress. Et ce dé va lancer le combat. Putain, je rappelle qu'un lance harpon. Allez. 8 de dégâts. Allez, il faut que je fasse. Oui, en plus 8 de dégâts, mec. C'est très violent, hein. Non, mais les combats dans Dead Genesis. Non, mais. Et là, je peux le, pas faire le, un peu. Le harpon se retourne contre elle. Faut que je fasse un 12 parce que si on suit la logique que 1, 2, 3, 4 c'est le pire. C'est-à-dire que 12 c'est une réussite critique et là je bute. Ouais, 12 c'est André. André c'est celui qui a l'espadon. Oh putain, fais face à 12. Allez, allez. Ça va. J'ai fait un 11. 11. On va tous mourir, les gars. Putain, je suis content. Eh, mais j'ai tellement eu peur quand ça sonne à nous, tu sais. Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, ça fait très très mal parce que, genre, un en plus des 8 dégâts virtuels, clairement, genre, tu prends un rond en plein milieu de la forêt. La vie, c'était. C'est quoi déjà dans le jeu? C'est ego? Non, c'est l'état. État? Alors, attends, donc en gros. Attends, je vais dire ça par rapport à vous. Ouais. Sur vos fiches, vous, c'est flesh wound. Ah oui! Attends, mais 8 de dégâts, je meurs au premier coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, quand même pas, mais non. Bah, c'est possible, attends, c'est. Si, si, c'est je meurs au premier coup. J'ai que 6 cases blanches. Je sais pas si c'est 4 blanches ou les cases noires. Non, si j'en ai 8. Mais non! Ou c'est le trauma. Attends. Mais non. Que, alors, sachant qu'après les points de vie, vous avez les points de traumatisme. Qui eux sont. Tu sais, c'est à partir des points de traumatisme que ça donne des malus. Mais si jamais tu atteins le dernier point de traumatisme, tu meurs instantanément. C'est. Y a pas de genre. On peut te sauver, non, c'est tu meurs. Attends. C'est, alors, c'est, attends. C'est des cases noires, hein, c'est pas. Ouais, je pense. La seule question que je me pose, je vais juste faire un petit test rapide. Est-ce que ce sont les flèches rouges ou les flèches blanches qui comptent? Je pense les flèches blanches, hein, parce que dans des unités, tu vois de gauche blanches. À droite. Oui, oui, ça me paraît, ça serait logique aussi. Mais ça. Et mais oui, elles sont blanches pour qu'on puisse les cocher, ouais. C'est pour ça. C'est une question, alors pour le coup, bon, c'est un peu d'hors-jeu, mais comme ça on comprendra mieux au moins. Ouais, oui, non, mais. Hein. Voilà. Du coup, ça veut dire que là, par exemple, imagine le truc m'aurait touché. Vu sa façon que je sais, c'est-à-dire que je serais mort ou j'aurais. Non, ça veut dire que tu aurais eu des points de traumatisme. Il y en a deux. Ah, d'accord, 3, 4, en fait, 5, c'est 6, genre deux trucs qui se répètent en fait. Genre, c'est, j'atteins les c'est 6. C'est ça, quand ça finit les 6, ça atteint les points de traumatisme. Pour chaque point de traumatisme, de souvenir, tu as un malus de 1 à tous tes jets de dés. D'accord, je vois. Et voilà. Mais okay. C'est surtout qu'en effet, un harpon, c'est genre quasiment fatal quoi. C'est, Ah oui, non, mais moi, le harpon, il me fout mal, hein. D'accord. Non, mais merci, d'accord, je comprends mieux maintenant l'enjeu du harpon. J'aurais pas dû le jeter. Non, mais c'est... je suis content, j'ai touché un ennemi. En fait, il y a que Mokosh qui aurait. Ah, si, moi j'ai 10. J'en ai 10, un flèche wound. Ah non, c'est toi peut-être alors dans ce cas-là. Oui autant pour moi. Oui. Mokosh aurait eu perdu tous ses points. Lui, il aurait eu plein de problèmes. Ok, très bien. Et donc, nos 4 ennemis auront respectivement 9, 9, 10 et 11 points de vie. Tu as touché le 3ème ennemi. Il lui reste 2 PV. C'est génial. En vrai, je vais pas faire de test de défense ni quoi parce que pour moi le combat n'a pas commencé. C'est genre le truc, l'accident inévitable. Mais après, il y en a un qui est par terre. Enfin, genre. Ah bah oui, non, oui, non. Si là où il est par contre, clairement, il y en a un qui est déjà caché. Il est pas en état de combattre quoi. Il est plus en état de combattre. En sortant mon stylet, j'ai genre un énorme sourire sadique en mode. Tout était prévu. Ça veut dire que en état de se battre, on a techniquement que 4 personnes. Il en reste plus que 3 du coup. Donc, ouais, oui, non, les autres, c'est des petits vieux, hein. Ils y sont même pas armés, donc en soi, eux, ils devraient être coup de poing face à des harpons. En gros, les mecs, ils sont arrivés en mode YOLO, vite, et là, il y en a un qui a fait. Du coup, je vais vous demander, vu qu'on est dans le combat, dans tous les combats de Dead Genesis, on commence par un G également d'initiative. Pour ça, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 points d'ego. Ah oui. Sachant que chaque point va ajouter plus 1 dé à votre première action et plus 1 au jet d'initiative. Sachant et que, ça, en fait. Ouais. Ça, c'est qu'au début du combat, c'est ça? C'est ça. L'initiative, c'est un jet de psy plus réactivité. Mm-hmm. Et par tranche, en fait, comment dire? Vous avez une action qui va être déterminée par votre ordre dans l'initiative. Mais si jamais vous faites deux déclencheurs, vous pouvez obtenir des actions supplémentaires. Et l'ego, c'est quoi les règles pour les récupérer? Je suis désolé, mais c'est juste... Oui, ça se fait naturellement, genre je crois que vous en gagnez un par jour. Une nuit. D'accord. Après, vu pour l'instant, il y a beaucoup d'espace entre nos parties. En fait, oui, c'est ça. Bah du coup, moi je vais investir mes 3 points d'ego parce que... Je peux pas cocher les cases sur le. Ouais, j'ai remarqué ça, c'est un peu dommage en vrai, parce que c'est le seul truc qui manque. Ouais, ça aurait été tout con de juste foutre des petits trucs rouges. Ouais, mais je vais les écrire. Donc voilà, moi j'ai plus 3 d'ego. Voilà. Ok. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais je vais le faire aussi. En fait, l'ego normalement c'est la santé mentale, mais c'est vrai que pour l'instant je l'entre pas beaucoup en jeu. C'est vrai que là j'aurais pu vous faire perdre des points à cause de la marche, à cause de machin. Dans la campagne, on... C'est ça. Tu pourras le faire. C'est ça, j'inclus les règles au fur et à mesure parce que... Ah oui, y'a pas de pratique. Alors, là, et du coup, les gros, ça te permet d'avoir des dés supplémentaires, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça va permettre en fait, l'initiative, c'est déterminé par un jet de réactivité, ouais. De psy-réactivité. Oui. Oui. Et ben voilà, et donc, quoi, c'est simplement pour chaque point d'ego dépensé, vous pouvez acheter un dé supplémentaire. Ah ouais, d'accord. Parce que moi j'en ai que un seul, donc oui, j'en ai utilisé, hein, tant qu'à faire. C'est quel jet qu'on doit faire du coup? Psy-réactivité. Ah oui, alors donc en anglais, ça ouais, va être psyché et réaction. Réaction. Et du coup, le fait que j'ai mis 3 d'ego, ça fait quoi concrètement là mon jet? Ça veut dire que tu vas lancer 3 dés supplémentaires. Ah oui, d'accord. Oh putain, je vais vous défoncer. Vous allez me donner vos résultats. 3, 4, 5, sachant que je vais également aider. Je vais prendre 3 points d'ego aussi pour moi. Je lance 8 dés. Putain. Putain, ouais. Non, mon souci, 3 points d'ego. Venez pour lancer que. Sachant que du coup, certains d'entre vous pourraient éventuellement taper plusieurs fois par tour. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouh là, j'ai un bon. J'en ai un qui a 5 réussites, mais pour l'instant aucun déclencheur. Ouais. En plus, c'est RP, celui qui est à terre, il a fait qu'un seul dans la pièce. Oh, ça va. Ah non, ah non. Ah, très bien. Alors. Moi j'ai 3 réussites, dont 2 déclencheurs. J'ai 5 réussites, 2 déclencheurs. Oh, donc tu joueras 2 fois. Oui! Donc ça veut dire par exemple tu pourras à la fois, parce que normalement dans Degenesis, lorsque tu effectues une défense active, ça te dépense une action. Ouais, donc mais là par exemple tu pourrais à la fois défendre avec qui ou attaquer 2 fois. Oh c'est trop bien. Par exemple, ouais, sachant que ta première attaque possédera aussi un bonus de... Du coup j'imagine vous avez tous dépensé vos points de... Ouais. Ok. Ouais. Alors je vais vous répéter si ça vous dérange pas vos résultats. Bien sûr. Je commence ou... Vas-y, ouais. Vas-y. Okay. J'ai fait du coup 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Abby, donc tu as 5 plus 3 déclencheurs. Ensuite, Torik. Alors j'ai 3 réussites, 2 déclencheurs. Ah, donc tu joueras 2 fois aussi. Et de ton côté, Mokosh? Et moi j'ai. Attends, 2, 3, 4, 5. 6 réussites, dont 2 déclencheurs. Et eh bah, tu joueras 2 fois aussi. Oh, putain. Non, c'est monstre. Non, mais attends, je vous explique. Donc, Mokosh commencera avec 2 actions. Ensuite, Abby, tu vois, tu es en égalité avec l'un d'entre eux, mais en fait, vu que tu as fait plus de déclencheurs, tu joueras avant lui. Tu auras 2 actions. Ensuite, nous aurons un mec au couteau qui attaquera et qui. C'est ils ont tous eu une action. Ensuite, nous aurons Torik qui jouera 2 fois. Puis nous aurons l'homme à l'espadon et le second mec au couteau. Qui est blessé ou. C'est lequel qui est blessé? Non, celui qui est blessé, c'est celui qui a la masse et qui, de manière RP, étonnamment, a fait une seule réussite. Sur 6 dés. Ah non, mais en vrai, on va tellement les tuer. Ils sont morts. C'est son mode, on va vous tuer, nous, on fait. Et en sachant qu'il y a aussi Aida qui est là aussi, non? Oui, ah oui, c'est vrai, autant pour moi, oui. Ah, Aida qui jette 7 dés d'initiative, qui fait 1, 2, 3, 4 réussites et un déclencheur. Qui jouera donc juste avant Torik. Question. Est-ce que avec eux il y a le pote de Aida ou pas? Pardon? Ah oui, le pote est-ce de Aida. De Aida est là? Non. Il est pas. D'accord. Non. On s'en fout, il est mort lui aussi. Oui, c'est ce que je pensais. Même s'il était là, de toute façon, je le défonce. Mais. Mokosh. là, je suis bon, chaud. Allons-y, allons-y alors. Vas-y, Mokosh. Très bien, Mokosh. C'est simple. Alors, je pars du principe, normalement, on aurait pu faire des malus du déplacement, mais là, vu que vous êtes dans un lieu restreint, tu es à portée d'absolument tout le monde. Tu attaques qui tu veux, tu me dis juste comment est-ce que tu veux l'attaquer. Oh, ok, très bien. Avec quelle arme? Même si a priori, toi, tu as ton espadon uniquement. Oui, j'ai juste l'espadon comme arme. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais en attaquer un. Une aussi. Alors, lui, il a fait aussi et deux. Là, vous et voyez tous avec la main sur mon. En vrai, mon fusil, et enfin... mon fusil à fongicide. C'est vrai que tu pourrais, en soi, l'utiliser après ce que c'est... Le mec il l'attaquera une fois. Ouais. Voilà. C'est pas la meilleure chose à faire dans un endroit restreint. Oui, c'est vrai. On va tous cracher. Ouais. Je précise quand même, normalement, vous avez fait une défense active et une défense active. Oui. Globalement, bon, je vais pas détailler, mais voilà, ouais, si vous faites une défense active, vous dépensez une action, mais vous avez un bonus durant votre défense. Parce qu'en fait, vous faites un G, alors que sinon, c'est juste détaillé par est-ce que vous êtes à couvert, est-ce que vous êtes debout, est-ce que vous êtes en mouvement, machin. Et c'est quoi le jet de défense, que je sache? Ça dépend de l'attaque, mais généralement, c'est une opposition avec genre parade ou blocage, ou psy corps à corps, ou psy lutte. Et sachant qu'il faut savoir aussi que lorsque tu fais une défense active, si tu réussis avec 3 déclencheurs, et tu fais une contre-attaque. Et donc tu blesses automatiquement ton attaquant. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Ah, ça c'est... Ah, ouais, ça peut être cool parce que c'est-à-dire que lorsque vous gagnerez beaucoup d'XP et que vous allez prendre des levels, ça pourrait être intéressant justement d'aller full dans la défense pour essayer de faire des contre-attaques. Du coup... C'est super. Ouais. L'Anabaptiste, vas-y, je te laisse attaque à l'espadon. Oui, bah je vais défoncer le premier avec l'espadon. Très bien. Donc attaque simplement body melee. C'est sachant que tu as un malus de 2 à cause de ton espadon. Par contre un espadon, alors t'as un malus de 2 mais ça fait des dégâts de monstre. Fait, ta force divisée par 3 ça fait 9 dégâts. Ah non 4, ouais c'est ça, ça fera 9. C'est un malus de 2 donc j'enlève 2 dés. Du coup tu lances que 4 dés si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment tu calcules les dégâts de l'arme? Il y a écrit EL c'est de 8 plus sa force divisée par 3. Ce moi il y a marqué 2F divisé par 3, donc c'est 2 plus la force divisée par 3. C'est ça, exactement. Mais ça fait et un pourquoi moi j'ai un X dans damage pour un fusil à fongicide? Parce que ça dépend des munitions. Moi j'ai fait 2 réussites. Ok. Alors 2 réussites. Et tu attaques qui, à l'espadon? À l'espadon, oui. Eh bien on va rentrer j'imagine en défense passive parce que l'espadon il a envie de te taper. Donc sachant qu'une valeur de défense de base est égale à 1. Il est actif et debout, donc ça lui fait plus 1. Le reste, il gagne rien du tout. Il a une défense de 2. J'aurais juste un détail, en cas d'égalité, est-ce que l'attaque passe ou est-ce qu'elle ne passe pas? Généralement, ça passe pas. Enfin, je pense qu'en cas d'égalité, ça ne passe pas. Bon, pourtant, j'avais relu le truc avant. Alors, je demande juste vraiment 2 secondes. Pendant qu'il fait ça, ouais, les ça gars, paraît, genre... Mon arme, elle fait 2,060... Enfin, 2,66, les gars. Je fais quoi? Je sais pas. Ah, c'est stylé, hein, c'est une petite... Oui, non, mais c'est le 1,66, on l'interprète comment? Ah. Est-ce que je pense que là, dans ce cas-là, on arrondit au supérieur. D'accord. Enfin, on arrondit, donc là, c'est au supérieur, pour le coup. Bah, 3 de dégâts, c'est déjà bien. Hein. Oui, en vrai, 3 de dégâts, c'est déjà pas mal. Je mets 2 coups de stylet et j'ai plus de flèche ronde, au moins. Mm. Donc Ouais c'est non mais en vrai c'est pas si c'est pas dégueulasse hein, non plus. Alors. Alors, la valeur de défense représente la difficulté. Et bien dans ce cas-là, alors, ce sera peut-être une erreur, si c'est une erreur, dans ce cas ça sera corrigé pour la prochaine partie. Mais vu que je parle du principe qu'ils disent que la défense a défini la difficulté, si c'était un test, là ce serait réussi. Parce que une difficulté de 2, t'as fait 2, t'as réussi. Oui. Donc tu vas effectuer des dégâts de 9. Infliger des dégâts de 9 à l'homme à l'espadon. Il y a 12 je crois, donc tu as déjà bien défoncé. Ouais. Non, il y a pas... Ah, c'est 12. Non, c'est celui qui avait 12. Non, c'est un des hommes au couteau qui a... Oui, non, c'est lui qui a 12. Donc il perd 9 et il passe donc à 2. C'est génial. Et là, tu relances encore Mokosh. Ah non, c'est ça. Et là, Mokosh a le droit à une deuxième attaque après ça. Ah ouais, mais je le réattaque. Oui, vas-y, relance les dés. Avec le coup d'espadon. Et après, je tourne sur moi-même pour redonner un autre coup. Avec... Vas-y, relance les dés. De nouveau 4 dés. Il a toujours une défense passive de 2. Et c'est toujours de réussite. De réussite, de nouveau un coup, bon bah là il est mort. Voilà. Et là t'as Abby qui est en mode. Donc t'arrives. Vous voyez Abby qui se précipite sur lui, premier coup. Elle lui fout un énorme coup au niveau du torse et puis elle l'enchaîne, elle plante complètement. Oh mon gosh. Putain, je vais broyer son existence. C'est le mec le plus dangereux. Et là, je les regarde et pour la première fois, je me dis ah ouais, c'est quand même des. Alors, ouais, du coup, c'est à moi. Par contre, le seul défaut de l'espadon, c'est qu'il a la propriété choc qui, normalement, je crois que ce sera au prochain tour. Et ça dépensera une action de pouvoir la réutiliser. Il y a quelque chose comme ça. Sauf si tu fais deux déclencheurs pendant que tu attaques. Ok. Alors, parce que c'est vrai que sinon, ce serait quand même complètement pété. Allô. Le mec, il fait 9 de dégâts à tout le monde partout. On arrive au tour de Abby. Abby, t'as également deux actions. Bien, et eh ben avec mon stylet, je vais planter. Je sais pas qui est plus loin. Bah, le mec à la masse, parce que même s'il est au sol. Est au sol. Ouais, ça, mais. Je pense qu'une masse est plus dangereux qu'un. Non, mais je pense qu'une masse est plus dangereux qu'un couteau. Oui, oui, a priori, c'est un peu plus dangereux. Et que je pense que. C'est moins maniable, mais c'est vrai que ça fait plus mal. On est d'accord que. On n'est pas dans un jeu tour par tour, c'est-à-dire que pendant que moi je vais attaquer, lui il va pouvoir se relever s'il veut. Alors, étant donné qu'il y a l'initiative, c'est toi qui peux attaquer avant, mais c'est vrai que si personne l'attaquait, oui. Évidemment il pourrait se relever. On est d'accord, voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est genre. Mais des fois, en effet, vu que les actions se passent en même temps, là il peut y avoir. Mais là pour le coup, voilà. C'est. Bah, c'est bien pour le coup, je me dis, mieux vaut en profiter pour utiliser ma première action pour défoncer le mec là et qu'il soit plus du tout dangereux avec sa masse. Pour après s'occuper des petits mecs au couteau et en plus on sera en surnombre. Sachant qu'il lui reste oui, un PV. Ouais. Ouais, non, il lui reste 2 PV. Ouais, mais ça va, je fais 2,66. Eh bien, vas-y. Du coup, le stylet, régularité, je ne sais pas ce que c'est. Alors, régularité, je crois que c'est l'avantage du stylet. Alors, je vais répéter ça tout de suite. Je crois que c'est-à-dire que tu peux attaquer plusieurs fois d'affilée. Je crois que si tu fais un ou deux déclencheurs, tu... D'accord. Ah oui, deux DC, ça veut dire deux déclencheurs. De souvenir, c'est ça l'idée. C'est que tu... c'est moins puissant qu'une arme, mais ça permet d'enchaîner. Ok. Bah, si je fais 50% de... Parce que je lance 4D, hein. Donc, si je fais 50% de déclencheurs... Alors, oh, il m'en manque un, c'est dommage. Régularité, régularité. Du coup, j'ai fait 3 réussites. Alors, et un déclencheur. 3 réussites, un déclencheur. Très bien. Je te lis juste le paragraphe de régularité. Oui. L'arme parfaite pour des attaques à succession rapide. Si le combattant atteint sur son jet d'attaque le nombre de déclencheurs indiqué, il peut immédiatement attaquer de nouveau, mais avec un malus de moins 2 dés. Cette fois-ci, cela peut se produire plusieurs fois d'affilée, mais les malus se cumulent à raison de moins de dés à chaque attaque supplémentaire. Il faudrait que je m'améliore un peu en mêlée avant que je puisse en utiliser. Mais ok, c'est super cool, mais voilà, du coup. Qu'est-ce qu'il lui passe ? Il meurt ou pas ? Alors attends. Tu as. Il faut juste que voilà, régularité, donc il faut deux déclencheurs, donc tu ne les as pas. Non, j'ai qu'un seul. Alors, je pense que notre ami, lui, par contre, va entrer en défense active parce que. Oui. Bon, voilà, hein. Je pense que quand il va arriver avec un style, il fait oh merde. Oui, et puis surtout, il s'est déjà pris le harpon dans la gueule. Donc, ça va utiliser son tour. Par contre, donc il pourra pas attaquer même s'il survit. Yes! Donc là, je pense qu'on va en arriver en jet de parade slash blocage. Vas-y, essaye. Ok, alors. Il doit avoir un malus alors. Parce que vu qu'il est quasiment. Oui, là, il va avoir un malus de 1D. Putain. J'ai pas fait des fiches d'ennemis en mode le traumatisme et tout, parce que voilà. Mais je le gère pour l'instant oui, quand même. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Non mais ça va, je suis tout content pour un premier... Alors... Il va donc lancer 4 dés. 2 réussites, ce n'est pas assez. Tu le plantes. Yes. Tu vois clairement il est incapable de faire quoi que ce soit. Il essaie de ramasser sa masse ou quoi, mais tu poses ta jambe sur ce... Sur sa main et d'un seul coup vif, claque. Dans la gorge. Parce que j'aime faire souffrir mes ennemis. Et du coup, t'en restes quand même une action. Ouais, du coup, bah voilà, le mec à la masse est mort. Et il reste 2 mecs, il reste encore 3 actions, 4 actions de notre équipe. Oui. Ton Touric, écoute... mine de rien, est pas mal hein, niveau combat. Hein. Touric, c'est plutôt. C'est un bon médecin, mais assez... ouais. Il sait soigner les blessures, mais il sait aussi les infliger. Ah, j'aime bien la défense, mais d'un côté, je me sens pas particulièrement en danger pour ce qu'on a. Après, tu peux l'utiliser aussi pour des choses comme, par exemple, je sais pas moi, aller voir ses mons ou des trucs comme ça. Ça comprend aussi des déplacements ou des d'autres. Bah écoute, non, pour le coup, je pense qu'on a largement l'avantage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le mec au couteau qui est censé attaquer juste après moi. Ok, d'accord. Bon, au moins dans l'espoir de lui faire indiquer son... Lui, dans ce cas-là, il est dans une défense passive, donc une défense... Ah, d'accord. Bah, ils sont tous en train de passifs, ils se font tous des seul coup. Non, lui, non, les autres, c'est actif et lui, il se laisse faire. J'espère éviter son action. Tout en c'est sachant point, c'est que tu, que tu pourrais refaire un coup avec si t'as deux déclencheurs. Ouais, elle pourrait éventuellement attaquer. Après, attaquer à 4 avec un malus de... De 2, ouais, ça devient très difficile. Donc, ah oui, c'est faisable, mais il faudrait faire deux déclencheurs. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est faisable. Ah merde. Alors, du coup, ça fait 2 réussites pour 2 déclencheurs. 2 réussites pour 2 déclencheurs, dans ce cas-là, tu l'élimines. Non, tu fais des dégâts. Tu tues tout le monde. Alors, c'est ok, il a 9 points de vie, il passe à 6, et tu peux réattaquer si tu veux avec 2 dés. On sait jamais, hein, ça peut passer. Oui, ouais. Ça m'étonnerait là, par contre. C'est gratuit, de toute façon. Oui, c'est gratuit. Vous le voyez, elle commence à l'enchaîner avec ses coups de stylet là. Non, j'ai fait un 3, enfin 2, 3, un 3 et un 2, donc non, c'est que des échecs. Ok. Par contre, lui, de son côté, il est pas en reste non plus, puisqu'il va attaquer également. Ouais, il va attaquer. Du coup, il a eu le corps à corps avec lui. Ah, il a eu 3 de dégâts, c'est ça ? Alors, le couteau inflige 4 points de dégâts. Il va taper à 6 dés. 1, 2, 3, 3 réussites. Dont un déclencheur. De ton côté, Abby, tu n'as que 2 de défense, tu vas donc subir 4 points de dégâts. Si tu veux, je peux te les noter moi de mon côté sur une feuille. Bon, t'inquiète. Donc tu n'as pas le droit d'effectuer une défense active puisque tu as déjà attaqué, utilisé toutes tes actions. Et bien, c'est fini pour les ennemis. C'est Aïda maintenant. C'est autour d'Aïda. Alors, Aïda, de son côté, il va essayer de tirer. Mais sur le deuxième mec au couteau, celui qui est pour l'instant démarqué, ça évitera, en cas d'échec, de faire des conneries. Donc ça va être un test de tir. Bon, je fais la défense de mon côté, hein, ça je vous épargne les détails. Ça rate. Et malheureusement, le harpon va se planter quelque part dans le mur. Vous voyez, même Aïda, il sait pas l'utiliser. Et lui aussi, c'était... l'action. Donc Torix, c'est à toi. Alors, j'essaie de un peu tout saisir le truc par rapport au fusil fongicide. Ouais. Alors déjà, ça se passe comment ? C'est un lance-flamme, techniquement En gros, vu les cartouches que tu as actuellement, oui, ça s'activerait une espèce de lance-flamme qui font de souvenir 3 dégâts par tour. Après, c'est vrai que c'est un lance-flamme dans un lieu restreint, c'est peut-être pas la... Oui, non, mais c'est pour savoir un peu. Mais dans l'idée, ouais, c'est ça. Ah, j'avais relu un petit peu la description, en gros, ça fait des dégâts par tour. Et alors, moi, mon dilacérateur, il fait combien de dégâts ? J'ai pas trop compris. Hein. Alors, ton dilacérateur, pas de souci. Déjà, quand tu l'utilises, tu as un malus de 1 dé parce que c'est une arme moins efficace. Ouais. Mais ça fera quand même 4 dés à jeter. Et il fait 4 dégâts plus ta force divisé par 3, donc. 5 divisé par. Wow, ok, ça fait en gros 5 dégâts. Et alors, c'est quoi les machins de la propriété de lacération ? Alors, tu as la propriété régularité. Non, lacération, toi. Qui s'active lorsque tu fais 2 déclencheurs. Je crois que ça. En fait, ça te permet de jeter un. De faire des dégâts supplémentaires. Attends, je vais dire ça. Deux décès, un dégâts. Ouais. Alors. Je vais essayer de retrouver le petit paragraphe. Ah non, ça c'est dans les potentiels. Je pourrais rajouter un dégâts en plus de mes dégâts. Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, t'as le choix entre remplacer tes armes, enfin tes dégâts par un autre truc de dégâts, mais qui, dans l'idée, est plus rentable. Si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Alors. C'est bon, j'ai le paragraphe. Alors, la capacité spéciale lacération. Si une attaque réussit avec deux déclencheurs, l'hospitalier peut refermer la lame d'un coup sec et infliger ainsi un dé de dégâts supplémentaires. Les deux déclencheurs utilisés ne comptent pas dans le calcul des dégâts. Ah oui, parce que normalement, les déclencheurs doivent peut-être infliger des dégâts supplémentaires. Tu vois, j'ai peut-être oublié un truc. Enfin bon. Les deux déclencheurs utilisés ne comptent pas dans le calcul des dégâts. Cela signifie que si un joueur n'obtient que 1 en dégâts supplémentaires, il infligera un point de dégâts en moins que s'il avait décidé de ne pas utiliser lacération. Au mieux, il peut infliger plus 4 dégâts. Ouais, c'est ça en gros. Ça va diminuer de 2 tes dégâts, mais tu peux infliger un des 6 en plus. Oh, c'est beaucoup quand même. Enfin, c'est... Oui, dans l'idée, c'est la plupart du temps rentable. Bah, oui. Mais tu as également le droit d'utiliser ton potentiel. Si jamais tu fais de. Alors, et ton potentiel, je vais te le rappeler rapidement. Oui, vas-y, parce que. Moi, j'ai pas ouais, t'inquiète. Non, c'est nos premiers combats, il faut qu'on prenne le temps de. Et ton potentiel, lui. Pareil, c'est avec deux déclencheurs, donc tu choisis soit tu actives l'un soit l'autre. Ça te permet d'obtenir plus 1 de défense et plus 1 de maniement pendant un round, donc le tour prochain. C'est-à-dire que, en fait, s'il y avait eu plein d'ennemis, par exemple, et que tu avais peur de te faire attaquer par la suite, là, ça augmenterait ta défense passive. Cool. Okay. Et pareil, ça rajouterait un dé d'attaque pendant un tour. D'accord. Voilà. Bah, du coup, je vais attaquer celui qui a déjà pris des dégâts. Sachant que, par exemple, si tu avais 2 en potentiel, dit lacérateur, tu pourrais augmenter de 2 ta défense et de 2 ton maniement des armes. Ah ouais, putain, c'est cool ça. Ouais, et si t'avais 3, et ben là tu pourrais passer à plus 3 de défense, plus 3 de... Ah oui. Non, vas-y, je te laisse faire ton coup, test. Bah, je vais aller attaquer donc celui qui a déjà pris... Avec 4 dés, ouais, vu que tu as un malus de 1. Avec 4 dés, hein. Alors je fais. Ah oui, alors qu'est-ce que tu attaques au fait? Celui qui est en combat avec Abby ou celui qui n'a pas encore attaqué? Celui qui est en combat avec Abby. Ok. Et je fais un succès et mais qui est aussi un déclencheur. Un succès. Alors donc 2 succès plus un déclencheur. Non attends. Un succès. Non, c'est un succès mais c'est un déclencheur. Enfin, c'est ouais. Un déclencheur. Et un succès. Ça, juste comme ça. Alors donc t'as fait combien de succès en tout? J'en ai fait qu'un, okay. Un seul, mais c'est mon déclencheur en même temps. Ok, c'est d'accord. Un 6. Lui, dans ce cas-là, non, c'est un échec. Mais tu as une deuxième action lors de ce tour, donc tu peux réattaquer le même ennemi ou attaquer l'autre. Bah oui, hein, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Ouais. 2 succès. 2 succès, cette fois-ci ça passe. Parce que sa défense passive est de 2. Et bah du coup je fais mes dégâts, donc c'est 5 ça. Tes dégâts c'est 4 plus ta force divisé par 3. Donc 5. Plus mes 3. Du reste, un point de vie. Putain, il résiste. Ouais. Il y a eu combien de points de vie à la base? 9. Ah oui. Bon, en même temps mon coach il va terminer tout le monde là. Putain ouais. 9, mon coach peut le one shot. Ouais, et avant il reste un dernier ennemi qui lui n'a pas encore été blessé, il est toujours à 9 vie, mais il est à l'attaque. Ouais. Ah oui. Alors. Et lui de son côté, il va attaquer. Bien sûr, on va faire ça au hasard. 3. 1, 2, 3. C'est donc Abby, encore. Oh putain. Décidément. Rien ça. Il fait 3 réussites. Dont un déclencheur. Donc l'attaque passe et Abby subit 4 dégâts supplémentaires. Bah, je suis en trauma, j'arrête de jouer. T'as combien de traumatismes? Un seul ou deux? Deux. Donc, moment, je peux plus taper. T'auras un malus de 2 à chacun tes G. Ouais. Ah, c'est difficile quand même. Ouais, par contre, tes ennemis qui attaquent que moi, je suis pas content. Ah, en même temps, en soi, c'est logique. Le premier, je comprends, je l'ai attaqué, donc bon, c'est normal, on est dans un combat. Par contre, l'autre, il a des mecs qui tuent tout le monde autour de lui. En vrai, je suis sûr qu'en temps normal, il y a des règles, mais que je les ai oubliées. Tu sais, ils attaquent un par un chacun des joueurs, donc je sais pas. au pire soir. Hein. Alors, te souvenir, on ne rejoue pas. Enfin, si, je crois qu'on rejoue l'initiative, mais. En vrai, on est d'accord, le combat il est perdu pour eux, donc j'ai envie de dire free fight. Ah, non, vas-y, Mokosh. Je vais mourir encore, puisqu'ils attaquent moi. C'est vrai, à toi, Mokosh. Je défonce. Donc là, il faut qu'on fasse un déclencheur pour pouvoir avoir ces deux trucs, c'est ça ? Et on a oublié aussi, vous avez normalement plus 3 dés parce que vous avez chacun utilisé plus 3 points d'ego à vos OG. Quoi ? Ouais, non mais c'est en fait le combat qui me paraissait équilibré et débilement. En fait, c'est con, mais ça s'est fait crescendo. Il y a eu le harpon. Ça s'est fini à 4 contre 3. Ensuite, vous avez tous fait 2 attaques. Donc oui, vas-y, Mokosh, roll the dice. Mon jeu aurait pu tout changer. Quand tu as 3 égos, ça te rajoute pendant tout le combat. Oui, ouais, à ta première attaque. Je l'ai complètement oublié. Enfin, mais c'est vrai parce que ça aurait pu tellement genre me permettre d'enchaîner les attaques avec les déclencheurs. C'est vrai, putain, ouais. Désolé. Alors j'ai eu une réussite. Oh, c'est pareil. Mais non, mais du coup, c'est quoi, on va le faire maintenant, les plus 3D au pire. On va dire que c'est une espèce de genre de furie en mode. Ils ont tapé Abby, tu vois. Donc t'as le droit de jeter 3D en plus. D'accord, je sais plus à combien j'en suis du coup. T'avais eu une réussite. Bah du coup ça m'en fait 3, étant donné qu'il a une défense passive de 2, ça passe. Donc j'imagine que t'attaquais celui qui avait 9 points de vie. Pas celui qui en avait qu'un seul. Je l'écrase. Enfin j'écrase celui-là qui vient de frapper avec. C'est celui qui avait 9 points de vie. Alors. Nous avons donc une attaque de 8 divisée par force, qui est égale à 6, divisé par 3. Donc ça nous fait 8 plus 2, 10. Il avait 9 points de vie. Vous voyez le mec qui donne un coup à Abby, fier de lui en effet, sa dernière est gravement blessée. L'instant d'après, sa tête explose. Mokosh, je savais que je pouvais compter sur toi tout le temps. Le dernier ennemi, vous voyez, à un point de vie, tente de prendre la fuite. Parce que, Mokosh, défonce-le. Est-ce que l'un d'entre vous tente de réagir ? J'imagine que toi, Abby, tu es trop blessé pour... Moi je réagis en disant Mokosh, fais-le pour moi. Mais du coup Mokosh il lui fallait ses deux déclencheurs pour pouvoir avoir son deuxième. Non, c'est Abby qui a besoin de déclencheurs pour attaquer. C'est moi qui fait des attaques des stocks hyper rapides quoi en gros. C'est mais non mais c'est pas toi Mokosh, tu as pas dit que son espadon si, est si, mais... comme non, ça je on va pas le compter parce que justement en fait normalement ça aurait dû être à la deuxième action tout à l'heure, mais en vrai c'est vraiment le début de l'intégration des règles donc je me permets De toute façon, ça n'a rien changé, ils ont perdu, ils n'ont qu'une chance. Oui, non, mais clairement. Vas-y, Mokosh, termine-le, Mokosh, on va en parler, hop. Ouais, il reste un ennemi à 1 PV qui fuit. De toute manière, pour rendre ça complètement ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, pour rendre ça de manière complètement. Pas avoir le malus de l'espadon, je lui balance juste de l'espadon dans la gueule. Alors. Est-ce que c'est un jet de force ou est-ce que c'est un jet d'agilité ça? Alors, je vais te laisser le choix. Soit, comme ça je vois pas tes stats, ce sera à toi de décider. Agilité, arme à projectile. Soit physique, et là je pense que ça va être. Je sais pas, physique. Bah, force. Corps à corps, mais t'aurais un malus en fait, dû à la portée. T'aurais un malus de 2D, je pense. Corps à corps, c'est quoi? C'est Brawl, c'est ça? Melee. Melee, ouais. C'est là où tu as 6. Donc en gros, soit t'es à 4, soit t'es à. Je vais prendre un machin mêlé. Bah oui, forcément, oui. Et j'ai un malus de combien, t'as dit? De 2D, du coup, tu passes à 4D. Ok. Et il y a les 3D, et il a les 3D en plus ou pas encore les... Non, pas cette fois, non. 2 réussites. Deux réussites. Eh bien, je vais faire un jet de. À la limite, si ça le tue pas, ça va juste le foutre par terre. Ouais. Hein. Agilité, dextérité. Avec un malus de 1D parce qu'il a un traumatisme. Mobilité, autant pour moi. Agilité mobilisée, mais ça revient à 3D. Sachant que si, il faut qu'il fasse 3 réussites. Sinon il meurt. Allez. 3 échecs. Oui. Donc vous le voyez qu'il tente de prendre la fuite alors qu'il est à moitié boité. Et pareil, il se fait complètement empaler. empalé et poinçonné dans la paroi de la grotte. Toric, est-ce que tu viens, j'imagine ton premier réflexe lorsque Abby était blessée, ça a été de tenter de la soigner. Je viens tout de suite voir Abby, exactement. Très bien. Fais-moi dans ce cas-là un jet d'intellect médecine. Dégâté, ça va. J'ai juste un peu de temps. C'est juste mes poignets. J'ai voir mes 3 dés d'égo là. En plus. Ça me ferait 9. Ouais, non, non, jette que 3 dés. Désolé. Non, 6 dés. 6. Le MJ. Ouais, c'est de négocier, bah t'en jettes qu'un. Bon, allez, t'en jettes 2 là. Arrête, hein. Bah, ouais, elle est morte. Je n'ai fait que deux réussites. Ok. Bon, il vient de soigner. Eh bien, Abby, dans ce cas-là, je pense qu'on va te retirer 2 blessures. Okay. Pas les traumatismes. Oui. Je sais pas si c'est l'idée, le principe, mais voilà. Bon, de toute façon, ça ne revient à ça, plus trop de. Oui, et comme il y a des ellipses entre les sessions, c'est pour l'instant pas. C'est ça, pour l'instant, ouais. C'est ça. Plus tard, je pense qu'on va faire des sessions qui seront vraiment. Ouais. À des premières, justement là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout un mécanisme de soins, combien de temps vous passez par rapport à l'ego et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore là. Ok, bah, très bien. Du coup, dans tous les cas, deux Fleshwood et j'ai deux. Ouais, je pense qu'on peut partir vraiment dans l'idée que du principe que cette session en termes de jeu pur est terminée. Mm-hmm. Il n'empêche que, et on va faire ça, je pense, vraiment en mode oral, de toute façon, Simon, il peut rien faire. Et il va se lever. Donc maintenant, c'est à votre choix. Est-ce que vous voulez épargner les autres ou est-ce que vous voulez. Alors, moi, les autres, j'ai rien contre eux. Je suis pour les lignes. Moi, je m'en fous des autres. Voilà. La vraie question, c'est du coup, vu qu'il est assommé, on prend Simon avec nous ou... Ah oui. Oui. Oui. Bah vas-y, oui. Oui. Et parce que clairement, il s'est foutu de notre gueule. Il a appelé les autres pour qu'ils viennent à son secours. Ouais. Va te faire foutre. Tu viens avec nous. Pareil, en fouillant la forêt, parce qu'évidemment les autres vont vous donner l'emplacement plus ou moins des planques, etc. Ouais, vous retrouvez le cadavre post-torture du premier celui qui s'était fait capturer pendant la nuit. Un câlin rempli de sang à Aïda. Quoi ? Je fais un câlin rempli de sang à Aïda. Un canard ? Un câlin ! Un câlin ! Ah, un câlin ! Pour le réconforter. Je dis qu'il n'y a pas d'animaux. Pourquoi il fait le canard? Pourquoi il fait le canard? Non, c'est mais genre en mode ça va aller, t'inquiète pas. Et voilà. Ouais. Ce que je trouve sympathique. Du coup, bah, on prend Simons et on y va, hein, on se barre. Ouais. Vous chopez Simons qui s'est toujours pas relevé de la baffe que lui a collé habillé. Donc comme ça, c'est pratique, il n'y a même pas besoin de l'attacher. Donc Mokosh, c'est toi qui la porte? Oh oui, costaud, vous venez vraiment de réaliser que Mokosh, mine de rien, c'est un monstre. Et elle le porte, hein, le gars, t'inquiète. Vous allez retraverser la forêt. Les pièges n'étaient en effet que présents dans la partie proche de l'automate. De la cachette, ouais. Ouais. Et assez rapidement, de ton côté, Abby, même si t'es bien blessé. Ça va, tu vois, c'est pas. Ça pose pas tant de. Oui, je suis pas en mode, j'arrive plus à marcher. C'est ça. Partez sans moi. J'ai bien fait. Oui, et puis vous avez pris le temps sur place de vous. Comment dire, j'imagine que vous avez même dormi peut-être une nuit. Bah, si, oui, enfin, je pense bien qu'on va pas retraverser la forêt en 10 minutes alors qu'on avait mis. Ouais, ce que je veux dire, quitte à dormir là-bas, de se reposer un peu. Maintenant que les autres sont morts, il n'y a plus de. C'est ça. La vraie question, c'est que. Une fois que vous êtes ressorti et que vous êtes allé effectuer votre compte rendu de mission au niveau du commissaire, est-ce que vous avez dévoilé ou non la position des... Moi, non. Clairement pas. Parce que moi, je n'ai rien à... Clairement, moi, j'ai un peu en travers le fait qu'il nous ait pris pour des cons. T'as rien fait, putain. Fais pas chier. Hospitaline, merde. Et donc, du coup... Mais non, je parle pas des gars dans la grotte, je parle des nos supérieurs. En gros, ils nous ont envoyés dans. Ah, les supérieurs, Oui. Quasiment à une mort certaine. Donc, en gros, eh bien, il faudrait que la. Simon, il est là, c'est tout. Voilà. Et en mode. Voilà. Merde. Attends, parce que techniquement, tu as la bague de Simon avec un doigt en moins, parce qu'il s'est coupé le doigt avant. Ah, tu as pas le temps ? Non, j'ai pas coupé le doigt. C'était pour lui faire peur, mais il a fait « Non, je voulais pas ma bague !» Bon, ben voilà, t'as Simon et la bague posée. Par contre, la bague, je la garde. Bonjour. Hein. Ouais, tu la gardes. Ça peut vouloir de l'argent, ça peut... Je garde. Et du coup, par contre, on peut vraiment jouer en disant ce qu'on veut sur la forêt, que c'est vrai, il y a des bêtes. On peut jouer sur le fait que, ouais, il y a des bêtes de ouf dans la forêt. Ouais. On a les gens sont toujours perdus. Du coup, là, ils pensent que... On sait pas ce qu'il va dire, Aïda, donc je raconte... Non, en vrai, je pense qu'on en a parlé avec Aïda. Oui, vous en avez discuté avec lui dans le retour. Oui, mais de toute façon, Aïda, elle l'a mauvaise, avec sa hiérarchie, hein, parce que c'est à cause de ça aussi que... Alors du côté d'Aïda, en fait, pour lui le problème est encore plus simple que ça. C'est qu'il avait déjà foiré sa précédente mission et que là il était plus ou moins responsable des deux autres. Et que pour lui ça vaut mieux dire à ses supérieurs que ses potes ont été butés par une bête plutôt que des clampins dans les bois. Par des vieux il sait même pas si ça va suffire. Si jamais, c'est genre sur le long terme, mais genre s'il a besoin d'aide pour que je l'aide à rentrer, tu sais, dans les milieux un peu des arènes, tout ça, avec les apocalyptiques, si jamais on analyse ou quoi, je sais pas trop. Moi, je suis partant pour le faire un petit pont d'or en mode « Ouais, mais si, c'est un mec sympa, laissez-le venir. » C'est lui hein, qui voulait rentrer. Eh bien, quand tu lui dis ça, tu vois simplement qu'il te regarde. Tu vois, ça lui fait plaisir que tu lui dis ça. Et puis, il dit « Bon, bah, si jamais ils veulent me dégager, j'y réfléchirai. » Nickel. Et puis, de son côté, il s'en va parce que... Les noirs ne sont pas les bienvenus ici. Il va rejoindre son camp qui doit être certainement à quelques kilomètres d'ici. Du coup, voilà, quand on arrive, quand on fait notre contrôle... Voilà, pour retrouver le commissaire au niveau du camp. Il y a des bêtes... Abid, toi, tu as les... on t'administre les soins nécessaires. Toi, tu es examiné par d'autres hospitaliers... Et vous retrouvez justement le commissaire Pryl et ses fameuses lunettes rouges. Qui nous voit en mode waouh. Donc voilà, vous êtes parti sur le principe de rien lui dire. Ouais, clairement. Genre, s'est foutu de notre gueule. Après, je me dis que si un jour. Enfin, l'info peut être utile si un jour je suis en position de faiblesse face à lui. Bon, je suis une pie, j'ai l'habitude, moi. C'est... Ouais. Toujours regarder les infos pour le bon moment. Sauf pour Mokov. Je ne parlerai jamais de ce moment. Mais bon, voilà, clairement, oui. De toute façon, il faut faire en sorte qu'ils n'aillent pas faire un tour par la suite dans cette forêt pour pas découvrir le poteau rose. Donc, du coup, il faut vraiment jouer l'accent sur... Il y a vraiment une bête qui tue... dans l'ombre, que limite presque on la voit même pas, elle est tellement rapide et tout, qu'on a réussi par le miracle du bon Dieu à le trouver l'autre et à le récupérer, mais voilà quoi, faut pas y aller quoi. Le miracle du bon Dieu. Non mais c'est ce que je veux dire, c'est... Oui, c'est t'inquiète, j'aime bien la manière de le dire. On a fait marcher notre instinct de survie hors du commun, pour s'en tirer quoi. Il a raison.